إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو في العقيدة. وكنا قد توقفنا عند القول أن يعني في تعريفي وبيان ما معنى أهل السنة والجماعة. La dernière fois, on s'était arrêté lorsqu'on avait parlé de les gens de la Sunna et du consensus. Et nous, toujours, Inch'Allah Ta'ala, on dit qu'on est et on souhaite être. Si on ne l'est pas, on souhaite être et on veut être de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Et j'avais dit plusieurs fois que Al-Sunna ou Al-Jama'a, ce n'est pas yani, un rêve ou là, un souhait, c'est tout, mais c'est. Ils ont des conditions, ils ont des yani des règles. Quiconque applique leurs règles, il est de Sunna ou Jama'a. C'est pas yani les contrariés ou ne pas vouloir les suivre ou yani pire que ça, yani rire d'eux ou là ensuite dire moi je suis Sunna ou Jama'a. Sunna ou Jama'a, ils ont des règles, ils ont des bases. Quiconque marche avec leurs règles, leurs bases et Sunna ou Jama'a, même s'il ne le dit pas, et quiconque ne marche pas au contraire, il n'est pas Al-Sunna al-Jama'a, même s'il dit je suis Al-Sunna al-Jama'a. C'est comme les tablériyons et la clique, et les ikhwan qui disent on est Al-Sunna al-Jama'a. Tu n'es pas Al-Sunna al-Jama'a parce que tu es loin de leurs règles et de leurs bases. Et moi, on avait dit que Al-Sunna al-Jama'a, l'un de leurs signes, c'est que, il y a un istima'a. Ils font istima, yani ils se regroupent autour du din et ils se regroupent autour du corps. Ils se regroupent autour du din, autour du Coran, de la sunna. Et la troisième condition, il faut qu'elle soit comprise, ou là les deux, Coran et sunna, il faut qu'ils soient compris par la compréhension des salaf salah. J'arrête une seconde, quelque chose d'urgent, téléphone, barclop, puis une seconde, je reviens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais que Al-Sunna al-Jama'a, il se regroupe autour du Coran de la Sunna, et le Coran et la Sunna doivent être compris par les Sahaba et les Tabi'un et ceux qui les ont suivis, les grands ulama. C'est pas par moi-même qui vais ouvrir le Coran et vais l'expliquer, ni moi je vais expliquer la Sunna de ma tête, comme le font les kharijites et les autres. Mais il faut que ça soit expliqué, il faut qu'on comprenne d'après la compréhension du salaf salah. Pourquoi? Eux, ils ne peuvent pas se joindre à la bid'a. Salaf salah, premièrement, ne font pas de bid'a. Deuxièmement, si on suppose que quelqu'un allait faire une bid'a, c'est pas tout ce qu'ils vont faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. En ce sens, c'est un hadith sahih, en ce sens, que Allah Azza wa Jal ne joint jamais toute la nation, et la meilleure nation c'est les sahaba, il ne les joint pas dans l'erreur et dans l'innovation, etc. Donc moi, quand je comprends, comme ils ont compris, ça veut dire que je suis dans la bonne voie, ça veut dire que, Inch'Allah, si je meurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir d'être au paradis et d'être avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si je suis comme ça de ma tête, j'explique comme je veux, sans suivre les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, c'est à 95% je suis égaré. À 95% je suis égaré. Pourquoi? Parce que quelle est la preuve que ce que j'ai compris moi, c'est ce que Allah Azza wa Jalla veut? Quelle est la preuve que ce que j'ai compris moi, c'est vraiment ce que Allah Azzawajal veut. Peut-être que c'est pas ce qu'il veut. Al-Muhim, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, on avait dit que ils se regroupaient aussi, leur signe, c'est qu'ils se regroupaient aussi autour du gouverneur. Autour du gouverneur. Les autres, ou bien, c'est comme les Kharijites, ou bien ils disent du gouverneur c'est un kafir, et lui font la guerre, et les Mu'tazilites aussi font la guerre au gouverneur, et ou bien, c'est tout à fait le contraire, il l'élève dans un rang, il y en a plus que le rang que il y en a naturel. Ou bien, ce sont qui? Ce sont les chiites et les rawafites. Qui disent quoi? Qui disent que le gouverneur, chez eux, c'est quelqu'un d'infaillible, maçon. Khomeini ne fait jamais de faute, maçon. S'il dit quelque chose, tous en sautent. Pourquoi? Parce que, chez eux, où il a été le faqih, ça s'appelle, quand quelqu'un devient, prend la place du khalifa chez eux, ça, il est infaillible. Alors, nous, on est, al-Sunnah al-Jama'a, on est au milieu. Ni on dit c'est un kafir et on lui fait la guerre, ni on dit il est infaillible, comme disent les chiites. Mais on dit que, yani on le laisse à la place normalement, et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait jamais la guerre tant qu'il est musulman. Pourquoi? Parce que, quand on fait la guerre à un gouverneur, c'est la plus grande fitna qui puisse se passer sur terre. Ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé ailleurs aussi, quand on a voulu faire la guerre au gouverneur, maintenant tout le monde sait ce qui s'est passé, et les crimes qu'il y a eu, les viols qu'il y a eu, et des choses yani qu'on ne peut pas dire ici. Donc, faire la guerre au gouverneur, ce n'est pas un sunnah al-jama'a. Quiconque lui fait la guerre, il sort, s'il était al-sunnah al-jama'a, il n'est plus. Il sort, il n'est plus de al-sunnah al-jama'a. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et aussi son élève Ibn Qayyim, il a dit, jamais, au grand jamais, à travers l'histoire de l'islam, une secte n'est sortie contre le gouverneur sans que les mots, yani les mots, il m'achète, les problèmes qu'elle a engendrés étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que les mots ou les problèmes qu'il voulait soi-disant enlever, yani que le gouverneur avait. Le gouverneur, qu'est-ce qu'il a? Il boit de l'alcool. Il se fait mal à lui-même. Et quand il va mourir, au paradis, il va pas boire l'alcool. Il vaut de l'argent. Il y a un jour où il va être questionné. Allah subhanahu wa ta'ala va lui questionner. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est lui, il se fait mal à lui. Il se fait mal. Et maintenant, quand je lui fais la guerre, je fais mal à qui? Je fais mal à des millions de personnes. Parce que lui, quand il sent que quelqu'un veut lui enlever le trône, son trône, il est prêt à tuer son père, sa mère et ses enfants pour qu'il garde la chaise et il ne la donne pas à quelqu'un. Il est prêt à tuer son père, sa mère et ses enfants. Et toi, tu veux lui faire la guerre et il a les avions, il a tout. Et toi, tu as une hache dans la main, un couteau. Et tu veux faire la guerre à des milliers de soldats avec les tanks et les avions, etc. Et si ça se faisait. Mais Al-Sunnah al-Jama'a ne font pas. Et il patiente avec le gouverneur. Il patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il te prend tes biens, et même s'il fouette ton dos, hadith est dans Sahih Muslim, même s'il te prend tes biens, et il te fouette ton dos. Il a dit dans d'autres hadiths, tu'adduna ilayhim huquqahum, wa tis'aluna Allah huquqakum. Vous leur faites ce qu'ils vous ont obligé de faire. Yani, ils vous ont obligé de faire des choses, vous les faites. Tant que ces choses, bien sûr, ne vont pas à l'encontre de du Coran et de la Sunna. Il te dit ça, ne la fais pas. Il te dit, fais cette chose, tu l'as fait. Donc, tu dois le suivre en ces choses-là. Et donc, tu lui donnes ses droits. Et tu demandes tes droits à Allah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui va te donner tes droits. Lui, il t'a volé, il t'a pris ton argent, il t'a pris tes biens, il t'a mis en prison, il t'a fouetté. Donc toi, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne ce qu'il t'a pris et ce que tu n'as pas eu. Tu l'auras, inshallah ta'ala, le jour du jugement dernier. Quand le gouverneur sait qu'il n'y a pas des gens, des sectes, des groupes, etc., des partis qui sont contre lui, là, lui, il devient sera mutma'in et toute la ville, tout le pays vivra, yani, un bonheur, yani, un grand, grand bonheur. mais quand il sait qu'il y a des groupes contre lui, des hizb, etc., c'est pour ça que les fitan ne vont pas s'arrêter. Les fitan. Alors, qu'en est-il quand il saura qu'il y a des gens qui ont acheté des armes et des couteaux et des kalachnikovs et qui se préparent à lui faire la guerre. Donc, il est près de lui et voilà, ça vous suffit que vous sachiez seulement ce qui s'est passé en Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans beaucoup d'autres pays. Donc, Al-Sunna al-Jama'a, comme je viens de dire, ne font jamais la guerre au gouverneur tant qu'il est musulman. Même s'il dit « je suis kafir », il dit « khlas », il vient à la télévision, il dit « moi, le Coran, je ne le reconnais pas, je le mets sous mes pieds, le Coran, je ne le reconnais pas, je le nie ». Celui-là, c'est quoi? C'est un kafir, c'est sûr. Mais est-ce que le fait qu'il soit kafir, ça veut dire qu'il va lui faire la guerre? Qui t'a dit ça? La guerre, elle a beaucoup de conditions. La première condition, c'est d'avoir c'est d'avoir la puissance, psychologique et l'autre, et la puissance matérielle. C'est pas parce que quelqu'un est kafir qu'on peut lui faire la guerre. Non, l'Azawjallah a interdit que tu fasses la guerre à quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que toi. Auparavant, tu pouvais faire la guerre 1 contre 10. Maintenant, 1 contre 2, c'est tout. 1 contre 3, c'est interdit. 1 contre 4, c'est interdit. Donc, comment toi, tu vas faire la guerre à celui-là, même s'il est kafir? Même s'il est kafir, il y a beaucoup, beaucoup de conditions. Beaucoup de conditions. Comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, même si quelqu'un veut faire la guerre à quelqu'un, à un pays, par exemple, il doit mettre dans la tête que si jamais ce pays auquel je vais faire la guerre venait à demander rescousse, par exemple, à un autre pays ou à deux autres pays. Cheikh Al-Albani a dit, toi, tu dois dès maintenant aussi préparer ce qu'il te faut pour ce pays et les deux autres pays auxquels il va faire appel, celui-là, si tu lui fais la guerre. Voilà les grands ulama, comment qu'ils voient. Ils voient très, très loin. Les gens de maintenant ne voient rien. Ce sont des mesakins qui ne connaissent rien en la religion, qu'on ait 1 ou 2, 3 hadiths. Il dit, là, je vais faire la guerre, là, je vais dire ceci, dit cela. Et s'il avait commencé à faire la guerre à lui-même, pour demander la science et demander le ilm, voilà ce que l'Azawajallah aurait aimé de lui. Il commence à faire la guerre à son ignorance, à son shaitan qui est assis sur lui et qu'il ne laisse pas demander la science. Quant au cours d'aujourd'hui, bi'illah subhanahu wa ta'ala, parce que ce que je viens de dire, je vais le laisser, inshallah, il va y avoir un livre très bientôt, inshallah, très bientôt, ça va dire dans 2 mois, inshallah, spécialement, ça s'appelle le minhaj. C'est quoi le minhaj? Beaucoup de frères et de sœurs sont, masha'Allah, aqidah, masha'Allah, sincères, etc., mais sont loin du minhaj, yani, ils n'ont pas encore compris le minhaj. C'est pour ça que tu le trouves, masha'Allah, mais il peut facilement faire un parti. Masha'Allah, mais il peut facilement aimer les frères musulmans et les côtoyer, être avec eux. Masha'Allah, il aime tabligh. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas bien le minhaj. S'il avait connu, il aurait fait beaucoup d'efforts pour s'éloigner de cela et pour bien tenir au Coran et à la Sunna d'après le minhaj des salaf salih radiallahu ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un livre auquel je pense pendant longtemps, qui s'appelle, d'ailleurs je le fais ici, moi dans ma mosquée, Inch'Allah ta'ala, il s'appelle Sunna. L'imam al-Barbahari, Sunna ala, Inch'Allah, quand on va le faire, vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Vous comprendrez beaucoup de choses, et vous serez, Inch'Allah ta'ala, de vrais salafis, Inch'Allah ta'ala. Le dars d'aujourd'hui, comme je venais de dire, il a dit, wa'an, هو الإيمان بالله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشره. Il est en train d'expliquer, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, والبحث بعد الموت, qu'il y a une résurrection, والإيمان بالقدر خير وشره, et que tu crois au destin et à la prédestination, sont bons et sont mauvais. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit dans le Sharh, هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. Il a dit cette aqida, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم déjà qui nous l'a transmise dans le fameux hadith de Jibril عليه السلام qui est venu sous forme humaine. Il est venu plusieurs fois, il venait sous forme humaine. Il venait beaucoup, beaucoup sous la forme d'une personne qui s'appelle Dihya al-Kalabi. Dihya al-Kalabi, il venait beaucoup sous la forme de cette personne, surtout lorsque cette personne était absente. Il venait en sa forme. Pourquoi ? Parce que cette personne était très belle. Était très belle. C'est un compagnon qui était très beau. Et vous savez que les anges sont très beaux. Comme on dit les femmes et les amis de Zulayha, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Ma hada bashara. In hada illa malakun karim. Elles ont dit, subhanallah, quand elles ont vu Youssouf, elles ont dit, c'est pas un être humain, c'est pas possible. Yani, tellement il est beau. Donc les anges, ensuite elle a dit, ce n'est qu'un ange. Donc les anges sont beaux. Ils sont très beaux. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il ne va pas venir sous l'image ou dans l'image de quelqu'un qui est moche. Il va venir, il va choisir quelqu'un qui est beau, il va venir dans son image. Yani, s'il ne vient pas avec sa vraie image qui est belle, au moins il vient avec une autre image, yani, d'une personne, mais au moins qu'elle soit aussi belle. Il a dit, donc vous connaissez tous le hadith où Jibril alayhi salam est venu comme voyageur, il est rentré, il a mis s'est agenouillé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mal islam, c'est quoi l'islam, ensuite c'est quoi l'iman, ensuite c'est quoi l'ihsan, la bienfaisance, ensuite mata sa'a, c'est quand, yani, la fin du monde, etc. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait, Jibril alayhi salam, que tout le monde n'avait pas encore reconnu, il croyait que c'était un simple homme, un voyageur, à chaque fois il disait sadaqt, il lui disait, c'est comme tu as dit, comme tu as dit. Même yani, se sont étonnés. Subhanallah al-Azim, comment quelqu'un qui pose la question, ensuite quand tu réponds, il te dit sadaq, il te dit c'est vrai. Donc celui-là, il doit connaître la réponse. Car quand on pose la question, normalement, on ne connaît pas la réponse. Mais puisque Jibril alayhi salam disait sadaq, donc c'est une preuve qu'il connaissait la réponse. De là, les ulama ont dit, si quelqu'un pose une question, pour que les autres apprennent, ça se fait. Parce que Jibril alayhi salam l'a fait. Jibril connaissait les réponses, il posait la question. Pourquoi ? Pour que les gens écoutent et entendent. Donc toi, il est possible que tu connaisses une question, que tu connaisses la réponse d'une question, et pour que les gens, les autres, yani, apprennent, yani, pour que ça soit bénéfique pour eux, tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, cher, quel est le jugement de ceci et cela. Soit tu connais la réponse. C'est juste pour que les autres apprennent. Et les ulama ont pris aussi un autre bénéfice de ce hadith, bien sûr, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Mais un autre aussi, ils ont dit que quand Jibril avait posé ses questions, ensuite il était parti, et le prophète alayhi sallam a suivi Jibril, il a dit, Hada Jibrilu ja'a yu'allimukum dinakum. Il a dit, c'est Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. En fait, quand Jibril, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé seulement 3 questions, ou 4. Donc, seulement des questions. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est venu vous apprendre votre religion. Donc, les ulama ont dit, si quelqu'un qui pose la question, et la question est vraiment forte, et vraiment, yani, solide, on peut dire que ce quelqu'un nous apprend des choses. Naam. Quand on pose une question, c'est une bonne question, une question, yani, qui va faire de sorte que l'autre yani va répondre avec des détails, avec des délits, et les gens vont profiter, on peut dire de ce quelqu'un qui n'a fait que poser des questions, on peut dire de lui que c'est quelqu'un qui nous apprend le din. Naam, c'est dire l'importance des questions. D'ailleurs, c'est d'après les questions que tu connais quelqu'un, s'il a du ilm ou s'il n'a pas d'ilm. Pire que ça, ce n'est pas seulement l'ilm, tu peux même savoir... Le degré ou le baromètre de son cerveau. Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent, est-ce que c'est quelqu'un de bête, est-ce que c'est quelqu'un d'analphabète ou est-ce que c'est quelqu'un de cultivé? C'est d'après la question qu'il pose. Des fois on pose, il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé, tu peux pas le connaître. Mais dès qu'il pose une question, tu as une idée sur lui, d'après la question qu'il a posée. S'il est cultivé ou l'analphabète ou là s'il est très calé ou là il est peu calé, et on est d'après la question. C'est pour ça qu'ils disent que, c'est très connu, ils disent que Shafi'i, alayhi rahmatullah, ils disent qu'une fois, il était en train de faire un darf, et il avait les pieds comme ça, allongés. Alors, il y en a devant qui? Devant ses élèves. un cheikh devant ses élèves, il fait ce qu'il fait. Il est âgé, c'est un cheikh, eux ce sont seulement ses élèves. Ensuite, il a vu quelqu'un rentrer avec une grande barre qui a l'allure d'un savant, ou bien d'un grand savant. Alors Shafi'i s'est dit, il a retiré ses pieds et il l'a joint. Il les a joints comme ça, parce qu'on ne fait pas ça devant un alim, on lui donne nos pieds comme ça devant lui. Donc il a joint comme ça ses pieds et il a continué le dars. Ensuite, il parlait du Ramadan et il a dit, Shafi'i al-Rahmatullah a dit que on doit faire le jeûne à partir du moment, yani, du lever du soleil, et on ne doit rien faire pendant toute la journée jusqu'à ce que le soleil se couche. Il avait parlé beaucoup de choses avant cela, et celui qui avait l'allure du savant n'avait rien encore parlé. Mais quand Shafi'i al-Rahmatullah est arrivé ici, il a dit, pour ce qui concerne le siyam, il commence à partir du lever du soleil jusqu'à ce que le soleil se couche. Alors l'autre a dit, est-ce que je peux poser une question, celui qui avait l'allure du savant. Il lui a dit, Shafi'i tafaddal, il lui a dit, et si le soleil ne se couche pas? Et si le soleil ne se couche pas, comment qu'on va faire? Alors Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant, Shafi'i va y aller, rallonger ses pieds. Allez, puis ce sera. Maintenant j'ai compris que celui-là, il n'a rien dans la tête. Est-ce que vous avez vu une fois que le soleil ne se couche pas? Comment celui-là, il dit, si le soleil ne se couche pas, comment qu'on va faire pour le jeûne? Donc Shafi'i a dit, maintenant moi, je vais rallonger mes pieds. J'ai compris qui c'est cette personne. Donc tant qu'il n'avait pas parlé, tant que la personne ne parle pas, mashallah. Mais quand quelqu'un parle, et surtout quand il pose la question, c'est d'après la question qu'on connaît à peu près, comme je viens de dire, son mustawa, son niveau. Donc il a dit, l'iman ou billah, l'iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement tasdir. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement croire en son cœur que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ce n'est pas seulement cela. Pourquoi? Parce que Iblis, ne croit-il pas qu'Allah existe? Ne lui a-t-il pas parlé? Il lui a parlé plusieurs fois. Donc, c'est pas comme disent les Jahmites. Les Jahmites disent que l'iman, c'est quelque chose dans le cœur, c'est tout. Ils disent, c'est, tu sais que Allah existe. Et les Asha'ira disent, c'est aussi dans le cœur, et c'est tasdiq, ce n'est pas l'ilm. Billah, c'est tasdiq, c'est croire seulement, attester qu'il existe. Donc, nous on veut dire que l'iman, c'est pas seulement cela. C'est quelque chose de plus. Ça, dans le cœur, tu attestes que Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais il y a quelque chose de plus. C'est quoi la chose de plus? Wahwa al-iqraru wal-i'tiraf al-mustalzim lil-qabuli bi-qabuli al-akhbar wal-id'ani al-ahkam. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est ça, il y a dans le cœur que tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais en même temps tu dois approuver, tu dois admettre, tu dois reconnaître aussi et consentir, yani que quoi? Yani cette chose, yani l'iman que tu as dans le cœur, il doit nécessiter de toi deux choses. Tu acceptes l'akhbar d'Allah et de son prophète, tu acceptes toutes les informations, yani tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois jamais dire, yani, c'est peut-être faux, c'est peut-être astaghfirullah. Tu dois, yani, accepter tout ce qu'il y a dans le Coran et tout ce qu'il y a dans la sunna, plus l'id'an l'ahkam, plus la soumission à tout ce que a demandé Allah subhanahu wa ta'ala au maximum que tu puisses faire. Je n'ai pas dit tout, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Mais au moins, si tu ne les fais pas, au moins tu reconnais avec ton cœur. C'est pour ça que là, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. C'est quelque chose, c'est que Allah Azza wa Jalla, quand il nous demande de faire une chose, ou bien il nous demande de nous éloigner d'une chose, à chaque fois qu'il demande une chose, ou bien de la faire ou de ne pas la faire, nous, on a deux choses à faire, deux choses obligatoires. La première des choses, c'est une chose qui se passe au niveau du cœur, très très importante. C'est ce qui passe au niveau du cœur. Ça s'appelle qawlul qalb. Ça s'appelle parce que le cœur aussi parle. Dans l'aqida, on dit le cœur. On dit le cœur parle, qawlul qalb wa amal al qalb. On dit le cœur, il a des actions comme il aime, il mahabba, tawakkul, الاستغاثة بالله، كل هذا في القلب، ça s'appelle أعمال القلب. هي يا أقوال القلب، les dires du corps c'est l'i'tiqadat, c'est ce qu'il atteste lui. Donc nous toujours on doit faire deux choses. La première des choses c'est reconnaître, attester que ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala est, on doit l'avoir dans le cœur. Par exemple, s'il dit cette chose c'est haram, toi dans le cœur tu dis sah c'est haram. S'il dit cette chose c'est obligatoire de faire la salat, c'est obligatoire, tu dis dans le cœur sah, elle est obligatoire. Ça c'est le premier quoi? C'est le premier devoir, c'est la première obligation. Et la deuxième obligation, tu passes à l'action. Après que tu aies dit toi dans ton cœur, la prière est obligatoire, tu passes à la deuxième obligation, c'est de faire la prière. Après que tu aies dit dans ton cœur que l'alcool est haram, tu passes à la deuxième obligation, c'est de t'éloigner de l'alcool. Donc en chaque chose, tu as deux choses. Quelque chose au niveau du cœur, tu fais un nœud que cette chose est haram ou cette chose est halal. Cette chose est sunna faqat, cette chose est yani mubah. Ensuite, la deuxième des choses, tu passes à l'action. C'est pour ça que, si au niveau du cœur, tu ne reconnais pas par exemple la chose, maintenant, même si tu l'as fait, tu passes à la deuxième obligation, elle n'est pas acceptée, on est kafir. On est kafir et on va rentrer à l'enfer pour ne plus en ressortir. Je donne un exemple très simple. Supposons qu'une femme dise, moi, je ne reconnais pas, je nie le djilbab. Le djilbab est dans le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu, qulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Le djilbab, donc, est dans le Coran. Une femme va dire, non, moi, je ne reconnais pas le djilbab. Je ne reconnais pas. Ensuite, elle va l'acheter. Celle-là, c'est une kafira billah subhanahu wa ta'ala. Si elle meurt, elle va rentrer à Jahannam pour ne plus ressortir. Et pourtant, elle l'a mis, mais dans le cœur, elle n'a pas dit que c'est obligatoire. Elle a dit non, moi je ne reconnais pas ça. Voilà la grande différence. Et la deuxième exemple, une femme dit, ça, je reconnais le djilbab. Il est fard, il est obligatoire. Mais moi, je suis faible. Mais moi, Inch'Allah, j'ai des souhaits. Mais moi, quand je me marie. Mais moi, quand, je ne sais pas quoi. Celle-là, si elle meurt, elle est toujours musulmane. Elle est musulmane. Pourtant, la première l'avait mis, et elle va rentrer en enfer pour ne plus sortir. Et celle-là, elle l'a pas mis, et elle est restée musulmane. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le cœur. D'abord, tu dois reconnaître que Allah quand il dit une chose, qu'elle est obligée, tu dis là, elle est obligée, même si je ne la fais pas moi. Mais je reconnais qu'elle est obligée. S'il dit cette chose est haram, tu dis là, elle est haram, même si moi je fais le haram. Mais là, elle est haram. C'est d'abord le cœur qui est plus important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit dans le hadith sahih, que vous connaissez tous, très très connu. Il a dit, Ala wa inna fil jasadi mudra. Il a dit, il y a dans le corps, quelque chose comme ça, un bout de viande ou là, c'est lui, cette chose-là, il parlait du cœur, bien sûr. Il dit, cette chose-là, si elle est bien, yani, tout le corps va être bien. Mais cette chose, si elle est yani, malade ou là, elle est fausse ou là, tout le corps, ça ne va rien donner. Donc c'est ce qui se passe au niveau du cœur qui est beaucoup, beaucoup plus important que les actions. Mais tout est important. Mais on commence d'abord, comme je viens de dire, par attester par le cœur. Ensuite, il a dit, « Ul-iman billah yatadhamman arba'at umur » et croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande quatre choses très importantes. La première, « Ul-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala » tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Il a dit, c'est la première. La deuxième, « Ul-iman biroububiyatihi » et « Ul-infirad biroububiyya » la deuxième des choses, deuxième condition, c'est que Allah Azza wa Jalla, c'est lui seul qui gère le monde. C'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui nous crée, c'est lui qui va nous faire mourir, c'est lui qui nous donne des biens, c'est lui le pourvoyeur de ce monde. Lui seul. Il n'y a pas Sidi Abd al-Qadr, il n'y a pas Sidi Abdurrahman Jilali, il n'y a pas Sidi je ne sais pas qui. Il n'y a pas. Tout cela, ce sont des morts, ils ne peuvent rien faire. Ce sont des morts, ceux-là ce sont des pauvres, je vais à leur tombe, et je leur fais des doigts. Je leur dis, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-lui, aide-le, rentrent au paradis, ne rentrent pas en enfer. C'est-à-dire, ils en ont grand besoin parce qu'ils sont morts. Peut-être que quand ils étaient vivants, ils étaient pieux, mashallah. Mais la piété, c'est pour eux, c'est pas pour moi. C'est eux qui ont gagné. Alhamdulillah. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَ. Allah dit dans le Coran, personne n'a le travail de l'autre. Chacun son propre travail. إِلَّا مَسَعَ. Donc tu dois dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala gère ce monde. Mais non pas comme disent les chiites et les rawafid, comme a dit le chien du Khomeini, il a dit dans son livre « Hukumat Islamiya », vous achetez ce livre, il est même sur internet le livre, vous le trouvez. Donc, il a dit dans une de ses pages, il a dit « Wa inna li a'immatina » nos imams, nous les chiites, nous les chiens, il a dit « Nos imams, certains de nos imams ou bien tous ». لأئمتنا درجة لم يبلغها نبي مقرب مرسل ولا ملك مقرب نعم il a dit certains ou là nous les imams nous les imams ou là nos imams ont atteint un rang où aucun nabi ne peut l'atteindre ni ange ni nabi ne peut atteindre cette ce rang. La hawla wa la quwwata. Quel rang celui-là? Il dit, nous, il y a deux nous qui sont mieux que les prophètes et mieux que les anges. La hawla wa la quwwata billah, comment le shaitan fait avec les gens? Comment le shaitan, il trouve des proies comme celle-là très facile. Le shaitan est très content quand il trouve des chiites et des muqtadis à pareil. Il se dit, ceux-là, ils sont très faciles. Jamais, ils ne peuvent me gagner cela. Non. Ils n'ont ni sunna, ni hadith sahih. Ils sont donc égarés, noyés dans les bid'as. Le shaitan est très très content. Il n'a pas peur d'eux. Le shaitan, il a peur quand toi tu ouvres Sahih al-Bukhari. Tu commences à lire Sahih al-Bukhari, le shaitan commence à trembler. Tu vas lire les kutub ta'a, minhaj wa kada, le shaitan va commencer à trembler. Mais si tu suis les shi'a ou là, bien au contraire, il va te laisser, il va partir dans une autre ville, il va changer de ville. Il va dire cela, classe, je les connais, ils vont rester noyés comme ça dans les innovations jusqu'à ce qu'ils meurent, ils vont partir à Jahannam. Ceux-là, j'ai pas peur d'eux. Je vais changer de ville, je vais chercher d'autres proies ailleurs. Ceux-là, ils sont dans la poche, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il a dit troisième condition, l'iman bin firadihi bil uluhiyya. La troisième condition, c'est la croyance que Allah Subhanahu wa Ta'ala, seul lui, mérite l'adoration. Seul lui, seul. C'est pas les autres. C'est pas ceux qui sont dans les tombes. Je prends des bougies et des œufs et je vais là-bas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec les bougies. Je vais tourner autour des tombes et lui demander de me donner des enfants parce que je suis stérile. Beaucoup de femmes font cela, même des hommes. Beaucoup d'hommes aussi font cela. Il y a des femmes et des hommes qui ont des endroits spéciaux. Il y en a qui ont des arbres. Il te dit, cet arbre, c'est un arbre sacré. Il faut lui mettre du henné à l'arbre. Et il faut aller une fois par je ne sais pas combien de temps là-bas. Il faut embrasser l'arbre. Il te dit, si tu fais des doigts devant cet arbre, le doigt sera exaucé. Ceux-là, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans le vouloir peut-être, c'est par grande ignorance, ceux-là ont adoré l'arbre. Ont adoré l'arbre ou bien à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils l'ont adoré avec Allah, ou bien à sa place, ou bien avec lui, en même temps avec lui. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'eux ne croient que tout en étant associateurs. لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ. Non, ils croient en moi, Allah Azza wa Jalla dit. Il y a beaucoup de gens qui croient en moi, mais en même temps, ils sont associateurs. Alors, à quoi ça sert? Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, tu dis à Allah, moi je crois en toi, mais il y a aussi d'autres ici hein, qui ont les mêmes choses que toi. Ils peuvent faire comme toi. Ils peuvent faire tomber la pluie, donner des enfants, ils nous rendent riches, ils nous enlever des problèmes. Allah et Allah, on t'aime beaucoup, mais on t'aime toi parce que tu as le paradis. Il y a deux noms, pas le paradis. Mais ils sont comme toi, ils peuvent donner des enfants, etc. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Car quand tu vas chez quelqu'un de cette sorte pour lui demander des choses comme ça, c'est parce que tu as eu dans ton cœur qu'il peut faire et qu'il est bénéfique. Sinon, jamais personne ne fait des choses pareilles, jamais personne ne va dans une tombe et jamais personne ne va dans un arbre pour lui demander des choses. Si ce n'est quoi? Si ce n'est dans son cœur, il s'est dit que cet arbre est bénéfique et que cette tombe est bénéfique, etc. Non. Donc, la quatrième des choses, l'imanu bi asma'ihi wa sifatihi. La croyance en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. En les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans, peut-être 80, peut-être 75, peut-être 80, peut-être 85, peut-être 90%, ne s'intéressent pas à la quatrième condition qui est la croyance en ses noms, subhanahu wa ta'ala, en ses attributs. La plupart se suffisent, yani, s'ils le font, ils suffisent les trois premières conditions. Mais la quatrième, ce ne sont que les salafis, seuls les salafis qui s'y intéressent. Quiconque dit, moi je suis salafi, il n'est pas intéressé par cette condition, par connaître Allah subhanahu wa ta'ala et faire des recherches, et demander de la science des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses actes, il est impossible qu'il soit un salafi. Il est impossible qu'il soit un salafi. D'ailleurs, il y a même des doutes, est-ce que c'est un musulman ou pas? Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen, je vais le citer maintenant. Il a dit, je ne sais pas si c'est un musulman ou pas. Alors, comment dire je suis salafi? Et beaucoup de musulmans ne s'intéressent pas à cela. Même si leur parle cela, ils te disent, ça, akhlas, c'était révolu il y a un certain temps. Maintenant, c'est les Yahoud qui font la guerre. On va essayer de faire la guerre aux Yahoud, ce qui se passe au Irak, ce qui se passe au Liban. Ça, c'est plus intéressant. Mais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'avance à rien dès que tu saches que Allah Azza wa Jal, c'est un meilleur rapport, Rahim. C'est pas très intéressant, ça. Intéressant, c'est, yani, voir, regarde ce qui se passe devant toi, comme disent Ikhwan Muslimoun. Ikhwan Muslimoun, il dit, yani, il faut que tu vives ton époque. Quand tu vas parler des noms et des attributs, tu veux qu'on revienne, yani, 1000 ans à l'arrière, tu veux qu'on revienne maintenant, on va parler des Mu'tazilites et des Qadarites. Toi, tu veux comme ça. Tu veux pas qu'on parle des Chouïs, des communistes, etc. Tu veux, on va revenir 1000 ans à l'arrière, on va parler des Mu'tazilites. Comme ça, il va te dire. Et bien sûr, lui, il a peur, parce que si toi, tu apprends les sectes d'Ado, comment ils sont et quelles sont leurs bases, etc., tu vas découvrir que la plupart ou beaucoup de musulmans, yani, sont dans ces sectes sans le vouloir. Yani, pensent comme pensent ces sectes. Attestent comme attestent ces sectes. Disent comme disent ces sectes sans le vouloir. Non, sans le vouloir. Quand quelqu'un te dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. Sans le vouloir, il n'a pas voulu, mais, khlas. Il a dit ce que dit une secte très connue. C'est pas le groupe des salafis qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. C'est l'Asha'ira, c'est l'Ahbash, c'est tous les autres qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. D'ailleurs, il y a une salle très connue, une affaire internet. C'est en anglais, je connais pas bien l'anglais. Le titre, c'est à peu près que Allah ne se trouve pas sur une place. Il ne se trouve pas dans une place. Allah subhanahu wa ta'ala ne se trouve pas dans une place. Naam, quiconque nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il une place? On lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par la place? Si tu veux dire que Allah Azza wa Jal a une place comme moi, maintenant je suis dans la chambre entouré de quatre murs et il est comme ça, quelque part entouré de ça, Allah Azza wa Jal n'a pas de place, ma'ad Allah. Quiconque dit ça, ça c'est un kafir. Mais si tu veux dire qu'il n'a pas de place, hadi, naam, hadi, Allah existe, wa ayat plaus, hadi, mashaf, naam. Mais si tu veux dire que Allah Azza wa Jal n'a pas de place, ça veut dire n'est pas sur le trône, là c'est autre chose, mon frère. Si tu dis qu'il n'est pas sur le trône, alors je te dis, comme a dit le Khadir de Moussa alayhi salam, qu'est-ce que tu as dit? Hada firaq ou bayni ou baynik. Donc moi je te laisse ici et on se parle plus. Mahli, toi tu dis qu'il n'est pas sur le trône, moi le Coran m'a dit qu'il est sur le trône, sur son trône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il était sur son trône. Donc là, on se divise. Là chacun va de son côté. Ensuite, a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah. La yumkinu an yatahaqqaq al-iman illa bidhalik. La croyance jamais ne peut yani être ou exister ou là sans les quatre conditions que je viens de dire. Je les répète. Tu crois que Allah Azza wa Jal existe. Ensuite, tu attestes que Allah Azza wa Jal c'est lui seul qui gère ce monde. Ensuite, troisièmement, tu attestes que Allah Azza wa Jal c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et quatrièmement, tu attestes que Allah Azzawajal a les plus beaux noms et les actes avec lesquels il s'est décrit et les actes avec lesquels son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Écoutez maintenant ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah, il a dit فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوُجُودِ اللَّهِ quiconque يعني, ne croit pas que Allah Azzawajal existe فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ celui-là ce n'est pas un croyant وَمَنْ آمَنَ بِوُجُودِهِ et quiconque croit que Allah Azzawajal existe لَا بِنْفِرَادِ الرُّبُوبِيَا mais il dit c'est pas lui le pourvoyeur c'est pas lui qui gère le monde فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ c'est un kafir et quiconque وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ quiconque croit que Allah existe وانفراده بالربوبية et dit c'est Allah qui gère le monde mais ne l'adore pas seul ne dit pas c'est lui seul qui mérite l'adoration ليس بمؤمن c'est un kafir ومن آمن بالله et qui a cru en Allah وانفراده بالربوبية et il a dit c'est lui qui gère le monde وبالألوهية et c'est lui seul que je dois adorer لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته mais il n'a pas cru en ses noms et en ses actes, فَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ c'est un kafir. وَإِنْ كَانَ الْأَخِيرُ فِيهِ مَنْ يَسْلُبُ عَنُ الْإِيمَنِ بِالْكُلِّيَا وَفِيهِ مَنْ يَسْلُبُ عَنُ كَمَ الْإِيمَنِ là il a fait une petite parenthèse, il a dit quoique certains disent yani pour le quatrième cas, pour la quatrième condition, les noms et les attributs yani certains ont dit s'il ne connaît pas les noms et les attributs on ne va pas dire c'est un kafir, mais on dira sa croyance n'est pas parfaite. Yani sa croyance n'est pas parfaite. Sa croyance est, yani, elle a des problèmes. Sa croyance, elle n'est pas parfaite. Yani elle est faible ou là, elle est basse ou là, mais elle n'est pas parfaite. Donc les ulama se sont tous unis pour dire que s'il ne fait pas les trois premières conditions, c'est un kafir. Et pour la quatrième, les noms et les attributs, certains ont dit un kafir, d'autres ont dit, disons que c'est pas le grand kofre, disons le petit kofre, c'est tout. Et Annie, sa croyance n'est pas parfaite, c'est tout. Non. Maintenant, la première des choses, la première condition, c'est l'iman bi wujudihi. Croire que Allah Azza wa Jal existe. Si quelqu'un nous disait quelle est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala existe, quelle est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, alors on lui répondra, Allah Azza wa Jal existe, premièrement les choses qui montrent que Allah Azza wa Jal existe, premièrement l'aql. L'aql, yani, c'est, on a un délil mental. Yani, mentalement, on peut donner un délil, c'est-à-dire, sans avoir recours, ni au Coran, ni à la Sunna. Seulement avec le aql, avec le cerveau, on peut déduire que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ça c'est, on va donner la raison humaine. Naam, la raison humaine. Seulement avec la raison humaine. Deuxièmement, bien sûr, on va expliquer maintenant. Deuxièmement, il a dit avec le chiffre. Le chiffre, yani, c'est d'après ce que tu vois toi. D'après ce que tu vois, ce que tu sens, d'après ce que tu vis, tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Troisièmement, il a dit shara. Shara, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Donc il a dit, il y a trois choses qui peuvent montrer que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et il a dit, tu peux même ajouter une quatrième chose, c'est quoi? Al-fitra. Al-fitra, c'est, tu peux dire, par nature. Yani, nous, on est né comme ça, on est né, plutôt pas on est un, on est né, naam, on a été créé comme ça, on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, kullu mouloudin yulid al-fitra. Chaque bébé qui est né al-fitra. Et, Ibn Qayyim a dit al-fitra, musulman. Chaque personne qui naît, elle naît musulman. Ça veut dire si, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Ça veut dire si une femme venait d'accoucher maintenant, on lui prenait son bébé et on le laisserait dans un endroit, par exemple, en plein forêt, où il n'y a personne qui le voit, on le laisse seul, on lui donne seulement yani, à manger, à boire, et s'il va grandir comme ça, il grandira vers l'islam. Il penchera de lui-même vers l'islam. Il est né comme ça, il a été créé comme ça. Là, je le crée les personnes directement comme ça, musulmanes. Mais le problème, où est le problème, c'est ses parents, comme a dit le prophète. Il a dit, Nama abawa, yuhawidani, ou yunasirani, ou yumjisani. Il a dit, ce sont ses pères, c'est-à-dire le père et la mère, qui le rendent ou bien chrétien, ou bien juif, ou bien Majusi, ou bien athée, ou bien n'importe quoi. Donc la première responsabilité, c'est la responsabilité de qui? C'est des parents. Ce sont ses parents qui le rendent chrétien, qui le rendent juif, etc. Donc c'est l'éducation. C'est pour ça que, alhamdoulilah, il y a un hadith sahih qui dit que les enfants des koufars, s'ils meurent avant la puberté, ils seront au paradis. Il a même dit qu'ils seront les serviteurs des gens du paradis. Ils seront au paradis, qu'est-ce qu'ils feront? Ils serviront les gens. Ils leur donneront les jus, les sortes de viande, etc. Ils donnent, ils servent. Pourquoi? Et pourtant, c'est le fils d'un kafir. Oui, c'est le fils d'un kafir, mais il est mort avant la puberté. L'âge l'a créé musulman. Quand il crée l'âge de quelqu'un, il le crée musulman. Et alhamdoulilah, l'influence des parents n'a pas commencé. L'influence des parents commence à compter à partir de la puberté. Avant la puberté, on met un enfant, on lui met une croix sur son cou, et il va à l'église, il n'a aucun péché. Pourquoi? Ceux qui ont les péchés, ce sont les parents qui lui ont mis cette croix. Lui, il n'est pas encore pubère. À partir du moment où il commence à devenir, où il est devenu pubère, c'est là que les anges commencent à écrire Yanil Hassanet ou Siyat. Maintenant, la première, il a dit, donc je répète, on a quatre grands délits. Quatre grands délits que Allah existe. On a la raison humaine, on a le chiff, ce qu'on sent, ce qu'on voit, etc. On a Shara, le Coran et la Sunna. Quatrièmement, on a la nature première. On a la fitra. On va commencer par l'aql. Incha'Allah ta'ala. Il a dit, فأما دلالة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ Il va dire, premièrement, parlons de l'aql. Parlons de la raison humaine. Toutes ces choses qui existent autour de nous, les cieux, les montagnes, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les arbres, les personnes, les animaux, les oiseaux, toutes ces choses-là, sont-elles venues d'elles-mêmes? Elles se sont créées, chaque chose a créé l'une, l'arbre a créé un deuxième arbre, la montagne a créé une autre, etc. Elles se sont créées, ou bien elles sont venues cette fois. Yani, elles n'étaient pas plus un jour, elles étaient là devant nous. Elles sont venues comme ça, sauf certaines. Yani, quel est le vrai? Il va dire, si tu vas dire que c'est elle qui s'est fait créer, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que elle était en néant. Comment se fait-il que le néant crée? Le néant, c'est pas quelque chose. Le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comment qu'un néant peut-il créer? C'est impossible. Le néant ne crée pas, il faut que la chose elle-même existe pour qu'elle puisse donner une autre. Mais les cieux, les montagnes n'étaient pas. Il y avait Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait pas toutes ces choses. Comment sont-elles venues du néant toutes seules? C'est impossible. Donc il ne reste que ce que tu dises quoi? Il ne reste que, tu vas dire, elles sont venues comme ça. Elles ne se sont pas créées, auto-créées, mais elles sont venues comme ça. Il n'y avait pas, puis un jour, hop, on s'est levé là, on a trouvé la terre pleine de montagnes et de cieux et de soleil, etc. Il a dit, dans ce cas, on va dire, هذا يستحيل أيضا. Ça, c'est impossible aussi. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من طائرات الصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صفة؟ Toi, espèce de négateur. Est-ce que toutes les voitures qu'il y a, tous les avions, toutes les fusées, et tous les instruments de guerre, etc., elles sont venues d'elles-mêmes, ces choses-là? Ou bien y a-t-il des hommes, y a-t-il des ingénieurs derrière eux? Y a des hommes qui les ont construits, des hommes qui ont étudié pour les construire, ou elles sont venues toutes seules? Il est obligé de dire qu'il y a des hommes derrière eux. C'est impossible que, comme ça, il n'y a rien, ensuite je vais demain à la place publique, je trouve une grande fusée comme ça. C'est pas possible. Cette fusée, on l'a fait venir d'une caserne. Et avant qu'on la fasse venir, il y a 4 ou 10 ou 20 ans, 50 ou 60 ingénieurs se sont réunis autour d'elle et sont restés des années pour construire cette fusée. C'est impossible qu'elle soit venue comme ça, par hasard, là, en plein place publique. Ça, c'est pas possible. Il a dit donc, quand tu dis que ces choses-là ne peuvent pas venir toutes seules, alors regarde-toi les autres choses qui sont plus immenses. Comment fait-il qu'elles soient venues toutes seules? Comment fait-il qu'elles soient venues toutes seules? Ensuite, il a dit, c'est pour ça que Abu Hanifa, alayhi rahmatullah, une fois, il y a un groupe de gens qui sont venus lui parler du Hind. Ils sont venus de l'Inde. Et c'était des gens, bien sûr, qui étaient égarés, des gens qui ne croyaient pas, etc. Ils sont venus pour faire le jidal, faire un débat avec Abu Hanifa. Et toi, tu dis que Allah Azza wa Jalla existe, donne-nous des preuves, etc., etc. Lorsqu'ils sont venus, et Abu Hanifa était très intelligent, il leur a dit, Inch'Allah ta'ala, revenez demain. Il les a salués, etc. Ensuite, il leur a dit, revenez demain ou après-demain, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, lorsqu'ils sont revenus, ils lui ont dit, qu'est-ce que, yani, tu nous as fait attendre un jour ou deux, yani, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Pendant les deux jours où il n'était pas là, il était en train de penser d'une barque. Un bateau, un grand bateau, qui est venu plein de marchandises. Plein de marchandises. Ce grand bateau a navigué. Il a traversé les grandes mers, ou l'océan Atlantique, ou la Pacifique. Il l'a traversé, tout l'océan. Il a traversé tout l'océan, ce grand bateau, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au port. Quand le bateau est arrivé au port, il a jeté l'ancre. Bateau plein de marchandises. Un navire, un grand navire, Nam. Quand le navire est arrivé au port, il a jeté l'ancre. Ensuite, la marchandise est descendue et le navire est reparti. Et écoutez-moi bien, il leur a dit, ce bateau n'a ni commandant de bord ni matelot. Ni commandant de bord ni matelot, tout seul. C'est le bateau qui a fait ça tout seul. Tout seul, il a fait tout ce voyage, toute cette mer, il l'a traversée, il a connu la route, il est arrivé ici, et il a ancré, la marchandise est descendue toute seule, et le navire est revenu. Ils lui ont dit, tu vois quel béada, tu penses à cela, deux jours en train de penser à cela. Il a dit, Nam, alors tu n'as pas de cerveau, toi. Idan laysa laka aql. Donc toi, c'est pas Abu Hanifa, non, on croyait Abu Hanifa, quelqu'un de très très intelligent. Tu penses à des choses comme ça, il n'y a pas plus bête qu'une chose pareille. C'est pas possible que tu puisses penser à cela. Alors il a dit, هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد يعني على حسبكم هل يعقل لأنهم هم ce sont eux qui lui ont dit est-ce que un navire peut venir comme ça? Non, il reste une minute. Sans avoir de matelot, sans avoir de bas, yani de commandant de bord, etc. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, wa antum, ta'qilun, yani, ça rentre dans votre tête, vous n'avez pas accepté qu'un bateau n'est pas de commandant de bord, n'est pas de matelot, etc., que la marchandise soit descendue seule, etc. Et est-ce que vous acceptez? Dites-moi, hadith samawat, ces cieux-là que vous voyez au-dessus de vous. Ou Shams, le soleil, ou le Qamar, la lune, ou le Nujum, les étoiles, ou le Jibel, les montagnes, et les arbres, et les animaux, et Dawab, et tout ce qui marche sur cette terre, ça vous l'acceptez, que ça soit sans quelqu'un qui l'ait créé? Comment? Vous ne pouvez pas accepter un petit navire qui a fait cela, vous ne l'avez pas accepté. Et vous acceptez tout ce monde comme ça, tout cet univers, sans qu'il ait un créateur. Ensuite, ils ont baissé la tête, ils sont partis. Non, c'est impossible. Seulement avec le cerveau. Quand toi, tu regardes en haut, en bas, à droite, à gauche, tu te dis, c'est pas possible que toutes ces choses soient venues comme ça. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un créateur qu'on ne voit pas, qui est derrière ces choses-là, qu'on ne peut pas le voir. C'est impossible que ces choses soient venues comme ça. Ne peut dire cela ou ne dit cela que celui que Allah Azza wa Jal a quoi? Classe, yani il lui a fermé son cœur. Il lui a fermé son cœur pour qu'il ne voit pas la vérité. Pourquoi? Ils veulent punir. Ils veulent punir. Allah Azza wa Jal veut châtier certains. Il met un cachet sur leur cœur. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup, Parce que même les kuffars ce ne sont pas les mêmes. Il y a des kuffars gentils. Il y a des kuffars qui cherchent la vérité. Il y a des kuffars qui voudraient connaître. Et là, il y a des kuffars, tu lui montres, ça lui plaît, il pose des questions. Et il y a des kuffars, non, il ne peut pas te sentir. Il y a des kuffars, il te dit non. Tout, mais ne me parle pas de Allah, ne me parle pas de Dieu. Ne me parle pas de ça. Il y a un ikhlas. Et alors ceux-là, là, qu'est-ce qu'il leur fait ? Il a dit, on va les laisser dans leur égarement, yani on va les égarer plus que cela. Non. Voilà, pourquoi ? Parce que, comme il a dit dans le Coran, « إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا » Là, je l'ai dit, s'il connaît dans vos cœurs qu'il y a du bien, il vous donne du bien. Là, quand il voit dans le cœur d'un kafir, qu'il cherche la vérité, il voudrait connaître, il veut comparer entre l'évangile et le Coran, il veut comparer. Celui-là, Allah l'aide. Et à 95%, il va rentrer en islam. Mais quand le kafir, il dit non, moi je nie, je ne reconnais pas, je suis contre. Comme ça, sans vouloir chercher, sans rien. Racisme ou je ne sais pas quoi. Moi non, je n'aime pas l'islam. Ce n'est pas la peine de m'en parler. Celui-là, là, je vais lui dire, attends, je vais te montrer toi. Je vais faire en sorte que jamais, au grand jamais, tu ne rentreras en islam. Jamais. Tu mourras, tu iras éternellement en enfer. Naam. J'ai dit que, c'est pour ça que là, je l'ai dit, « Inna ma yakhshallah min ibadil ulama ». C'est pour ça que la plupart des grands savants rentrent en islam. Pourquoi ? Surtout les savants de l'ilm al-falak, comment ça s'appelle la météorologie, al-falak, quand ils voient ce qu'il y a dans les cieux, etc., ils voient les étoiles, ils voient avec les grands appareils, etc., ils disent c'est impossible, ils ont la chair de poule, ils disent non, c'est l'astrologie, non, les astrologues, etc., ils disent non, même les grands médecins, etc., ils disent non, c'est pas possible. Quand ils ouvrent le cœur, ils ouvrent le corps, etc., ils disent non, hein. C'est impossible que l'être humain se soit créé lui-même, c'est impossible. De toute façon, je voulais dire que, je vais arrêter parce que là, je voulais dire que, non. C'est pour ça que, quiconque, pourquoi Allah nous a donné le cerveau à Allah ? C'est pour réfléchir, c'est pour penser. C'est pour regarder à droite, à gauche. C'est pour comparer. C'est pour demander, etc. Maintenant, si on bloque le cerveau, ça veut dire que on a perdu l'instrument avec lequel on peut connaître la vérité. C'est pour ça que c'est interdit. Toute chose qui empêche le cerveau de réfléchir, ça, elle est interdite. Pourquoi en islam, c'est interdit l'alcool ? Pourquoi c'est interdit la drogue ? Pourquoi ? Parce que ça, tu ne deviens plus conscient, tu es inconscient. Donc, tu ne sais plus ce que tu dis, donc tu perds la relation avec toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça que les kuffars, la plupart du temps, ils sont avec l'alcool, avec la drogue, ça, ils n'ont même pas le temps de faire travailler le cerveau que Allah leur a donné pour le connaître. Pourquoi Allah nous a donné le cerveau ? Pour le connaître. « Lahum quloubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha » Il a dit. Ensuite, il a dit, ce sont comme les animaux. Il a dit, ils ont des cœurs, mais ils ne font pas travailler leur cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas avec. Il a dit, ceux-là sont comme des animaux. Mais ils sont plus égarés que les animaux. Il t'a donné un cœur. Pourquoi l'azel ? Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur ? Seulement avec le cœur, tu aimes les femmes, c'est tout. Tout ce que tu fais. Tu n'essaies pas de connaître Allah avec ton cœur. Tu n'essaies pas de l'aimer. Tu n'essaies pas de te rapprocher de lui. Pourquoi il t'a donné les yeux ? Pour voir le haram et voir à la télévision les choses de haram ? Ou il t'a donné pour voir le Coran, pour essayer de lire, pour essayer de comprendre ? Pourquoi il t'a donné les oreilles ? C'est pour ça que le jour du jugement dernier, lorsque l'Allah jettera les kuffars en enfer, vous savez qu'est-ce qu'ils diront ? Ils diront, comme a dit l'Allah dans Sourat Al-Mulk. Il a dit, en parlant des kuffars, qu'est-ce qu'ils ont dit ? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils ont dit, si nous avions écouté, ou bien si nous avions raisonné, nous ne serions pas, les gens, nous ne serions pas dans l'enfer. Naam, ils ont reconnu. Si nous avions écouté, ou bien si nous avions raisonné, sort al-mulk. Naam, vous connaissez tous sort al-mulk. ils ont reconnu, ils ont dit, si nous avions écouté, et si nous avions raisonné, le raisonnement, c'est le cerveau. Hein, ils n'ont pas raisonné. Ils ont fait autre chose avec le cerveau. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala, on continuera, inshallah, la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, inshallah, dans 10 minutes. Wa akhir da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم. نعم. Je commence par la salle, ensuite je commence par les questions qui ont rapport avec le cours. Ensuite, quand il n'y a plus rapport avec le cours, je réponds à ce que j'ai reçu dans le courrier. Ensuite, je reviens à ceux qui sont dans la salle. Qu'as-tu fait le fakhrdal? Une personne qui ne fait pas la prière, il fait seulement le ramadan. Et pour rire, elle se moque des gens qui pratiquent pour les énerver. Quel doit être notre comportement avec cette personne si elle fait partie de notre famille? Barakallahu fikum. Naam. Une personne qui ne fait pas la prière, qui fait seulement le ramadan. Et pour rire, elle se moque des gens qui pratiquent pour les énerver. Quel doit être notre comportement envers cette personne si elle fait partie de notre famille? Barakallahu fikum. Naam. Premièrement, on essaie toujours de faire la da'wa à cette personne. Ça veut dire que, yani, on dit par là, je suis fatigué. Même tu ne sais pas, des fois tu dis la chose aujourd'hui, elle va la travailler à cette personne dans un an ou deux ans. Mais, il faut toujours, yani, dire, faire la da'wa. Mais quand on sent, on sait qu'une personne, c'est pas le genre. Il y a des personnes qui, elles sont pas intéressées, ni de près, ni de loin, qui passent leur temps du matin au soir de se moquer des gens, etc. Cela, on ne leur parle pas. Cela, on ne leur parle pas que dans la nécessité. Je lui parle quand j'ai besoin d'une chose, ou là, j'ai envie d'une chose, ou là. Quand je ne suis pas dans le besoin, je ne lui parle pas. Je ne lui parle pas à cause d'une chose comme celle-là qui est très grave. C'est pour ça que, on ne doit pas y aller montrer notre faiblesse à ce point. Yani, on ne permet pas à une personne qu'elle se moque de nous quand c'est une question de religion. Enfin, quand c'est quelqu'un qui se moque de nous parce qu'on pratique ou là, on le met, yani, il doit faire deux. Enfin, je lui dis deux mots pour qu'il la prochaine fois, il ne me parle plus avec cette façon. Non, je le laisse pas, yani, il se moque de moi. Je le laisse pas se moquer de moi. Je lui dis deux mots, la prochaine fois, quand il me voit, il me dit salam et il saute, il ne parle plus dans le din, etc. Pourquoi? Parce que il va se moquer de moi, ensuite il se moque du din. Ensuite lui-même est en train de il peut devenir kafir sans vouloir. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Maryam, tafadhal. Zanjabila et Umm Abdullah, si vous avez des questions, dites-le moi. Abu Maryam, tu es avec nous, Inch'Allah? Tu es avec nous, écris nous numéro 1, barakallahu fik. Non, alors attends un peu, puisque c'est pas avec le dars, attends un peu. Tafadhal. On t'attend, Abu Maryam, tafadhal. Abu Maryam, commence à envoyer une phrase, deux phrases. La question ne passe pas. Écris par phrase, Harry, écris par phrase, une phrase, send, une phrase, send, et comme ça. Bon, le temps que tu écrives, va, le temps que tu écrives, pour qu'on ne perde pas de temps, c'est tout. Umm Nourain, tafadhali. Abu Maryam, je reviendrai, Inch'Allah, vers toi. Umm Nourain, tafadhali. C'est-à-dire qu'une femme peut-elle conduire une voiture? Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ashraf al-mursalin. L'interdit, c'est pas de la conduite. L'interdit, c'est pas la conduite. Car comme elle peut conduire un homme, elle peut conduire une voiture. Il n'y a pas de différence. Comme elle conduit un chameau, elle se met sur un chameau, elle se met dans la voiture. Le problème, c'est que quand elle est seule, elle risque d'avoir des problèmes. Le problème, c'est que quand elle est seule, surtout si elle sort de la ville, et surtout si elle tombe en panne, elle risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça que si elle conduit et il y a quelqu'un avec elle, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec elle quand elle sort de la ville. Inch'Allah Ta'ala. Abu Ahmed, tafadhal. Ça ne fait rien. Un frère demande, alaykoum salam, je voulais jeûner aujourd'hui et demain j'ai jeûné. Je voulais jeûner aujourd'hui et demain. j'ai jeûné aujourd'hui, mais j'ai de la famille qui me visite demain à l'improviste, que dois-je faire? Car si je ne pas demain, j'aurai jeûné le vendredi seul, sans le vouloir. Je n'ai pas bien compris. Je voulais jeûner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est vendredi, non. Et demain, c'est samedi. J'ai jeûné aujourd'hui, mais j'ai de la famille qui me rend visite à l'improviste. Que dois-je faire? Car si je ne jeûne pas demain, j'aurai jeûné le vendredi seul sans le vouloir. Non. Si je ne jeûne pas demain, Inch'Allah Ta'ala, si je ne jeûne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a empêché. C'est pas lui qui n'a pas voulu, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a empêché. Parce que quand quelqu'un il a des invités, c'est difficile de jeûner. En ce sens, Inch'Allah Ta'ala, il n'aura pas fait le makruh ni le haram. Parce que le makruh et le haram, c'est quand tu il qasd, yani avec l'intention, tu veux le faire. Mais quand ça vient, quelque chose qui te dépasse, c'est que tu ne voulais pas, Inch'Allah Ta'ala, faire ceci. Donc, c'est en ce sens que Inch'Allah Ta'ala, s'il mange, il ne laisse pas Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est venu. Naam, arid, fihi arid, wa lisa huwa alladhi qasada hada. Naam. Omar Abdullah, pose ta question. Sabou Mariam, c'est ma femme, un problème cher qui la préoccupe. Son frère va circoncire son frère. Il organise un dîner pour la famille et va égorger des moutons. Naam. Dis-leur, il me laisse la tête du mouton. N'oublie pas, la tête du mouton, laisse-la de côté. Continue. Oum Abdullah ou la Zanjabila, prépare ta question après Abou Mariam. Abou Mariam, on attend la suite. Hein. Peut-être que tu es allé me chercher la tête. Pas maintenant la tête, laisse après. Donne-moi seulement la question. Où est la bid'a, Abou Mariam? Je n'ai pas vu la bid'a ici. Je n'ai vu aucune bid'a. Où est la bid'a? Il faut que tu me dises où est la bid'a d'abord. Je n'ai pas vu la bid'a. Il organise un dîner pour la famille. Il va égorger des moutons. Où est la bid'a, barakallahu fik? Montre-la moi. Naam. Pour la circoncision, il n'y a rien qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. On ne fait pas la circoncision. Tu veux dire que, est-ce que j'ai compris, tu veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Est-ce que c'est ça la question? Tu veux dire que il n'a pas fait? Dis-moi si c'est ça la question. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et toi, quand tu fais quelque chose et que dans ton cœur, tu ne fais pas l'intention du din, tu dis pas moi je vais faire ça pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis ça n'a rien à voir avec le din. J'ai fait la circoncision, je suis content, je veux inviter quelques amis, on va manger quelque chose, on va manger ou là on va égorger un mouton ou là deux ou là, mais ce n'est pas, tu l'attaches pas avec le din. En ce sens, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Non, en ce sens, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas faire, à cause du din. Ça, c'est comme si quelqu'un a le bac, il a réussi au bac, il a dit, je vais égorger un mouton. Est-ce qu'on va lui dire, c'est interdit? Pourquoi tu as égorgé le mouton? Non, je l'ai égorgé, c'est pas à cause de quelque chose de din. Je suis content, j'ai égorgé un mouton et j'invite des amis, on veut manger. On va faire le mechoui, on va laisser la tête au chir qui va la manger. Ça, c'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. L'interdiction, c'est que tu dises, ça c'est du din. Ça c'est du din. Là, tu rentres dans la bid'a, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Il y a quelques-uns qui sont serrés, ils disent, on fait pas. Il y a quelques-uns qui sont serrés, mais je ne reconnais pas de dette. Même les cadeaux. Les cadeaux, ça n'a rien à voir, Inch'Allah Ta'ala. Les cadeaux, ça n'a rien à voir, il ne fait pas entrer l'intention du din dans le cœur. Il fait l'intention de tahaddu tahabbu. Il dit, le prophète a dit, donnez les cadeaux, vous vous aimerez. Mais il ne fait pas l'intention de, ça c'est dans le din. Wallahu ta'ala alam. Ibn Abdullah tafaddali. Umm Abdullah Zanjabila tafaddali. Une sœur demande, j'ai 60 pauvres à nourrir. Une sœur peut-elle me prêter l'argent pour que je puisse acheter les repas? Naam. Elle peut te prêter de l'argent et elle peut faire manger à ta place. Naam. Elle peut te prêter comme elle peut les faire manger à sa place. Quand j'ai par exemple moi 10 pauvres à manger, s'il y a quelqu'un qui veut payer à ma place, il va les faire manger, il peut. Mais à condition quoi? À condition qu'il m'avertisse. il me dit, attention, je vais faire manger à ta place. Pourquoi? Pour que je mette moi l'intention dans mon cœur. Car si je ne mets pas l'intention, il ne peut pas les faire manger. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle peut te prêter. Il n'y a aucun problème, bi'idhna Azza wa Jal. Ummu Nourain, tafadbali. Jamais 38, tafadbali. Non, Ummu Nourain, parce que tu es resté en haut, c'est pour ça que je croyais que tu n'avais pas posé. Jamais 38, tafadbali, on t'attend. Jamel, tu es avec nous, Inch'Allah? Tafadbal alors, on t'attend, Inch'Allah. Tu as déjà posé? Je ne l'ai pas vu, Allah. Je n'ai pas vu ta question. Il faut que je m'entende pour voir où est-ce qu'elle est. Je ne l'ai pas vu. Non, elle n'est pas passée. Ta question n'est pas passée, Jamel. Si tu peux, Inch'Allah, la reposer, de temps que Oum Souleyman 4 pose ta question, Inch'Allah. Parce qu'elle n'est pas passée ta question. Oum Souleyman, pose ta question, Inch'Allah. Tafadali, pose la question, puisque tu es arrivé ici, khalas, pose ta question. On n'est plus déjà avec le cours. Toutes les questions n'étaient pas en rapport avec le cours, je crois, sauf la première. Jamel 38, on attend toujours ta question. Salam alaikum akhla. Est-ce que le fait qu'un homme marié reste seul avec une femme ou a des conversations téléphoniques avec une femme fait de lui un fornicateur? Si oui, a-t-on le droit de laisser notre mari fréquenter un fornicateur? Tant que quelqu'un n'a pas fait ce que fait l'époux avec l'épouse, on ne dit pas de lui c'est un fornicateur. Et haram, haram c'est on dit c'est un fornicateur. On rentre dans le haram et on doit nous fouetter 80 coups de fouet pour avoir dit c'est un fornicateur. Donc, quand quelqu'un parle avec le téléphone ou a une conversation avec elle, etc., premièrement, est-ce que c'est une chose d'arora? Est-ce que c'est une chose d'arora? Des fois, je dois parler avec une femme, j'ai besoin d'elle ou là. Ou là, est-ce qu'il parle seulement comme ça? Il parle des choses qui ne sont pas bien simples. Celui-là, on dit qu'il fait les pas. Il y a une khutwat shaitan. Il suit les pas du shaitan. Il suit les pas du shaitan. Mais on ne peut pas dire que c'est un fornicateur. Même si tu le trouves avec une femme, les deux, seuls dans la chambre, un homme et une femme, seuls dans la chambre, les deux, nus, sans vêtements, si tu dis que celui-là ou celle-là, c'est un fornicateur ou la fornicatrice, on doit te fouetter 80 coups de fouet. Non, tu ne dis pas, jusqu'à ce que tu ramènes trois autres qui vont témoigner. Vous devez être quatre pour dire que voilà, celui-là c'est un fornicateur, on l'a vu faire l'acte sexuel. On l'a vu, nous les quatre. Et ensuite les quatre, chacun dans une chambre vont être questionnés. Quelle est la couleur des vêtements que tu as vus? Est-ce que c'est lui qui était de ce côté ou est-ce que c'était elle qui était de ce côté? Le lit, de quel côté il était? Qu'est-ce qui était en haut, qu'est-ce qui était en bas, etc. Si quelqu'un se trompe, ils vont être fouettés. C'est très difficile de dire de quelqu'un c'est un fornicateur. Donc ils m'ont dit, quelqu'un c'est un pervers par exemple. C'est un pervers. Il suit les femmes, il leur dit des mots, il les invite, etc. Mais on n'arrive pas à dire fornicateur. Mais de toute façon, on ne laisse pas notre mari ou là suivre quelqu'un comme celui-là, parce qu'il va petit à petit, il va y aller l'attirer vers ce chemin pour l'ayadu billah. Jamel, est-ce que tu as ta question? Est-ce qu'elle est prête, Inch'Allah Ta'ala, ta question? Ikibarakallah. Jamel, je ne suis pas assez pieux, donc je commets beaucoup de péchés. Et ma mère veuve, wa hajj, je peux l'accompagner la femme. Et ma mère veut le hajj, veut aller au hajj. Je peux l'accompagner la femme pour faire l'iqama. Franchement, là, j'ai pas compris. Je peux accompagner la femme pour faire l'iqama. J'ai pas compris l'iqama. Tu l'accompagnes pour faire le hajj ou là pour faire l'iqama? Ça, je n'ai pas compris. Est-ce que Zanjabila ou là, tu as compris? Tu m'expliques. J'ai pas compris. Ma mère veut aller au hajj. Je peux l'accompagner. Je peux accompagner la femme. La femme peut faire l'iqama. Quel ikhama? J'ai pas compris de quel ikhama tu parles. je n'ai pas compris de quelle iqama tu es en train de parler ici. Elle va faire une iqama, elle va faire une salat. Je commets beaucoup de péchés. Ma mère veut dans la salat peut-être. Lui, il a parlé du hajj. Ma mère veut le hajj. La hajj, je peux l'accompagner, la femme. C'est deux questions. Ce sont deux questions collées ici, deux questions. Je crois qu'il y a deux questions ici. Je ne suis pas assez pieux, donc je commets beaucoup de péchés. Elle dit wahda waqid. Ma mère veut le hajj, je peux l'accompagner. Non. Et ma mère veut le hajj, je peux l'accompagner. Première question, la femme peut faire l'iqama. Naam. En ce qui concerne, tu n'es pas pieux, tu peux accompagner ta mère qui veut faire le hajj. Naam. Accompagner le hajj, tu peux. Même si tu n'es pas pieux. Tu n'es pas pieux, tu pars pour l'accompagner. Inch'Allah, de là-bas, tu vas revenir pieux. De là-bas, Inch'Allah ta'ala, tu vas revenir pieux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et la femme peut faire l'iqama. La femme peut faire l'iqama et peut faire aussi l'azan si elle veut à la maison. À elle-même, elle peut le faire. Naam, s'il n'y a pas d'homme étranger dans, avec elle. Naam. والله تعالى أعلم أبو عبد ظاهر تفضل واش قال لي هذيك مسلمان كي بل في دو هاد دوفي بوزي لا كيستيون واش قال لي هاد داكور جي في بارك الله فيك بو افوار في سولا نعم جزاك الله خيرا نعم ايسي وطالب العلم تفضل بوز لا كيستيون هاني بريزونت لا جو فولي دير دوفي بوزي اون كيستيون دوفي بوزي اون كيستيون. Allez, je peux être assez désisté. Tafadal Abu Abd Zahir. J'ai établi un programme pour ma femme et je le ferai avec elle. Naam. Je peux vous dire ce que je compte faire pour avoir votre avis. Tafadal. Tafadal, dis-moi quels sont les livres que tu vas lire. Pour la Aqida, voici les différentes étapes. Chouot la ilaha illallah avec Shirah Sheikh Obeid. شيخ أمان جم ما شاء الله تفضل نواقض الإسلام أبيك الشيخ شرح شيخ راجعي نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله نواقض الإسلام أبيك الشيخ معنى الطاغوت أبيك شرح الشيخ خميس خميس عثمان جو C'est qui chez Khamis? Khamis Asman ou la Siti? Oui, c'est lui. Non, le troisième livre, je ne le connais pas, Adam Anatarou, je ne le connais pas. Ça veut dire je ne l'ai pas lu. Voilà ce que je veux dire, je ne l'ai pas lu. Non. Non, Masha'Allah. Il y a ces livres, il y a beaucoup de livres, yani, chez Mohamed Ibn Abdullah. Non. Il y a beaucoup de livres qui sont très intéressants. Et ceux-là que tu as choisi, Inch'Allah Ta'ala, sont aussi très intéressants. L'essentiel, c'est que je m'assois avec ma femme et on lit des choses. Qawaid al-Arba, Sheikh Fawzan. Sheikh Fawzan. Naam, Masha'Allah. Usul Salata, avec différents shurah. Naam. Masha'Allah. Dès que tu termines ces cinq là, dès que tu termines ces cinq, tu viens ici, toi tu fais le dars et moi j'écoute. Hein? Toi tu fais le dars et moi j'écoute, Inch'Allah. C'est la première étape. Naam. Naam, c'est une chose très très bien, naam. C'est yani, de très bons livres, de très forts livres. Hein? J'aurais aimé, si c'est possible, tu me les cites dans le courrier, c'est mieux. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Hein, Abou Abdelbaher, cite-les-moi dans le hotmail, Inch'Allah Ta'ala. Hein? C'est mieux, Inch'Allah. Jazakallahu khayran. Allah nifta alik. Inch'Allah, très bientôt... Tu vas devenir un savant, Inch'Allah. Om Ayyub, ta fadvali. Amin, ya Rabbi l'Alamin. Om Ayyub, ta fadvali. Après musulmane belle pudeur, après elle, Inch'Allah, parce que tu étais en haut, tu es descendu. Que tu t'es trompé, Allah. Je t'ai enlevé le point rouge. Wa alaikum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, pour ne pas perdre de temps, je voudrais savoir si le fait de porter le djilbab en deux parties, cela est-il autorisé? faut que je voie cela. Je ne sais pas comment c'est en deux parties. Je ne sais pas comment c'est en deux parties. De toute façon, le meilleur, je crois que tu veux dire, tu commences par les épaules. Je crois que tu veux dire, il commence pas de la tête. Le vrai djilbab commence de la tête. Comme Ayoub, le vrai djilbab, il se met sur la tête et il descend. Je crois que toi, tu veux dire quelque chose sur les épaules et quelque chose sur la tête, et un foulard sur la tête. C'est ce que tu veux dire, non? Hada, inshallah ta'ala, il est valable. Je dis pas qu'il est valable. Astaghfirullah, je dis il est valable, mais il n'est pas mieux que le premier. Mais prenons-nous des péchés. Les péchés, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse prendre des péchés. Je ne crois pas qu'on puisse prendre des péchés. Mais on a laissé, yani, le meilleur, c'est tout. Yani, on a laissé le meilleur. Mais arriver à dire que, certes, yani, que tu as un péché, ça, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas de mon ressort. Moi, je ne peux pas dire que une femme qui met cela a un péché. Je peux dire seulement que elle n'a pas mis le meilleur. Elle n'a pas mis le meilleur. Mais pour dire qu'elle a un péché, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas supporter cette responsabilité. Wallahu ta'ala alam. Mais toi, comme j'ai dit tout à l'heure, mets dans le cœur, qu'Inch'Allah il arrivera un jour où tu le mettras, il commencera par la tête. Pose la question vite, Inch'Allah, pose la question vite parce qu'il y a des gens qui attendent. Naam, le temps que tu poses ta question, moi je réponds à quelqu'un qui me dit, salam alaikum, quand on est en voyage et qu'on fait la prière du raccourci, quand on est en voyage, on fait la prière raccourcie, est-ce qu'on peut continuer à faire les sunnah rawatib? Est-ce qu'on peut faire les rawatib? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on est en voyage, on fait pas les rawatib. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est en voyage, on fait pas de rawatib. L'obligatoire qui est 4 est devenu 2. Comment toi maintenant tu veux ajouter des choses? L'obligatoire qui était 4 est devenu 2. Alors, c'est pas la peine de faire les rawatib, inshallah ta'ala. Et en ce qui concerne le hadith, le jour de la résurrection, les gens iront voir Adam pour l'intercession, puis iront voir Nuh. Et celui-là dira qu'il avait fait une invocation qu'il ne fallait pas faire pour tous les mécréants. Est-ce que cette invocation est-elle citée dans le Coran, surat Nuh, verset 26, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Mon pseudo, c'est Salama 57. Naam, c'est celle-là. Naam, c'est celui-là le doigt qu'il a fait et qu'il a regretté de l'avoir fait. Naam, c'est celui-là le doigt. Il a regretté de l'avoir fait, car les koufars doivent rester avec nous jusqu'à la fin du monde. On fait des doigts sur les koufars avec lesquels qui nous font la guerre, pas le koufar qui nous a rien fait. En fait, il y a des jours quand je pratiquais pas, j'ai pas fait, faut-il que je les rattrape ou puis je nourris des pauvres à la place, mais je ne rappelle plus combien y avait-il de jours. Non, si tu rappelles plus combien, et si tu n'avais pas fait des années. Par exemple, quelqu'un, quand il pratiquait pas, il restait des années, il rattrapait pas ses jours et la femme ne rattrapait pas ses jours, etc. Celle-là, elle commence. Dès maintenant, elle fait le repentir, ça lui suffit. Elle fait le repentir, ça lui suffit, Inch'Allah ta'ala. Si elle veut, elle donne un peu d'argent comme au monde, comme que cela, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui pardonner. Et ce n'est pas obligé qu'elle aille chercher dans le passé combien qu'elle avait dur, etc. Mais si elle sait que ce n'est pas nombreux, elle sait qu'il y a par exemple 10 ou 15 jours seulement qu'elle n'a pas fait, cela, si elle les fait, c'est mieux. Mais quelqu'un qui n'a pas fait, il y en a beaucoup d'années, il y en a une femme pendant 15 ou 20 ans n'a pas jeûné ces jours où elle était malade. Maintenant, elle va rattraper, très difficile pour elle. Elle fait un repentir et elle oublie le passé. Afallah amma salaf. Car si une chrétienne va entrer en islam, Allah Azzul ne va pas lui demander pourquoi tu n'as pas fait les jours. Et Allah Azzul, comme a dit Cheikh l'Islam, il a dit, Allah Azzul est plus miséricordieux envers un musulman qu'envers un mécréant. Mais si ce sont seulement quelques jours, tu les connais comme ça, 10, 12, 15, cela, si tu les rattrapes, c'est mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Musulman, pose ta question, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est, la femme doit-elle prier à voix haute? Quels sont les délits? Jazakallahu khairan wa barakallah. Musulmane, comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune différence dans les adorations entre un homme et une femme. Tout ce que fait l'homme, fait la femme. sauf s'il y a un délit qui dit ici la femme ne fait pas comme l'homme à cause des accouchements, à cause des grossesses, à cause de ceci, à cause de cela. Quand il n'y a pas de délit, quand il n'y a pas de quelque chose de spécial, tout ce que fait l'homme, le fait la femme. Le prophète Ali Soussam a dit, إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, vous connaissez tous le fils de Omar ibn Khattab, on lui a dit, est-ce que la femme appelle à la prière, elle fait le adhan? Il a dit, il a répondu, أَمْنَعُنَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Est-ce que je peux moi lui interdire de faire ça? Est-ce que je peux lui interdire? Cheikh Al-Albani a cité ceci dans son livre Silsila Sahiha, numéro 1. Il a dit, Abdullah ibn Omar qui était très sévère, mais quand il sait quelque chose, c'est pas lui qui légifère, c'est pas lui, c'est Allah et son prophète, c'est tout. Ça, Cheikh Al-Albani a dit, tout ce que fait l'homme, fait la femme. Si l'homme, Maghreb Aisha, il y a voix haute, la femme il y a voix haute, tant qu'il n'y a pas d'homme avec elle, tant qu'il n'y a pas d'étranger avec elle, devant son mari, devant ses enfants, devant son père, devant les mahrams, elle lit à voix haute. Elle lit à voix haute, naam. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Au point où, je vais vous dire quelque chose, mais ça va vous étonner, mais comme a dit Cheikh Al-Albani, on n'applique pas, c'est tout. Mais pour vous dire, yani, que ça existe dans le fiqh. Comme ça, si quelqu'un vous parle, vous lui dites, donc revenons au livre X, etc. pour voir. Vous ayez un délit, c'est tout. Au point où, Cheikh Ibn Taymiyyah a noté dans Jumu' al-Fatawa, et Cheikh Al-Albani aussi l'a noté dans Silsila Sahiha, que Imam Ahmed, c'est très connu, Ahmed ibn Hanbal, a dit, il est permis à la femme, quand ils sont dans un petit village, et il n'y a pas un homme qui connaît le Coran par cœur, il est permis à la femme qu'elle guide pendant le tarawih. C'est elle qui fait la prière, et les hommes derrière elle avec un rideau, et c'est elle qui guide pendant le tarawih. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, qui est-ce qu'il a dit? C'est un takfiri ou un tabliri ou quelqu'un de la science. C'est l'imam Ahmed, ala rahmatullah. Il a dit ça, le Cheikh l'Islam l'a noté, le Cheikh l'Islam a dit, c'est aussi le madhhab de Tabari. Tabari, le grand explicateur du Coran, le grand mufassir. Lui aussi, il a dit, la femme, elle peut dans un petit village, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le Coran, sauf elle. On l'avance à l'avant, on met quelque chose entre nous et elle, et elle nous guide pendant le Coran, pendant le Ramadan. Donc c'est dire que tout ce que fait l'homme, fait la... bien sûr, nous on n'applique pas cela. Alhamdoulilah, maintenant, beaucoup d'hommes connaissent le Coran. Même si on ne connaît pas le Coran, on n'est pas obligé de comme croient beaucoup de gens. Beaucoup de gens croient que le Ramadan, tu es obligé de lire tout le Coran. Tu n'es pas obligé de lire tout le Coran. Le Ramadan, tu lis seulement le Baqara, ce que tu as appris. On n'est pas obligé de terminer tout le Coran. Et même certains ont permis de prendre le livre, comme faisait le serviteur de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, son esclave. Il lisait du livre, et elle faisait la prière derrière lui. Et si la femme ne fait pas ce prière à voix haute, non, elle n'a pas commis un péché. Elle n'a pas commis, parce qu'il y a des ulama qui ont dit qu'elle fait à voix basse. Donc elle n'a pas commis. La main. Et quand je dis à voix haute, c'est pas à voix haute, yani, de façon à faire entendre les gens de loin. Yani, elle se fait entendre, c'est tout. Elle se fait entendre elle-même, c'est tout. Naam. Wallahu ta'ala alam. Abdul Ghani, tafadal, 12. Abdul Ghani, tafadal. Naam. Toutes les questions étaient hors cours, Abdul Ghani. Moi, au contraire, je voudrais que tu poses dans le cours si tu peux. Il n'y a pas de questions dans le cours, tafadal. Lorsque l'imam perd ses ablutions pendant la salat, que fait-il et que font qui sont derrière lui? Est-ce que quelqu'un qui porte la sunna est prioritaire pour guider la prière? Quand l'imam perd ses ablutions, en principe, il tire quelqu'un qui va continuer à faire la prière avec les gens. Maintenant, s'ils veulent l'attendre, ils peuvent. Ils peuvent rester debout le temps qu'ils fassent le wudu, il revient. Comme les sahaba ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih de Abu Daoud, ils l'ont attendu, il est revenu. Donc, ou bien lui, il tire quelqu'un, ou bien on attend qu'il revienne, ou bien chacun termine seul. Ou bien chacun, il termine seul sa prière. Maintenant, s'il a avancé quelqu'un par exemple, ou bien nous on a poussé quelqu'un, et lui il est parti faire le wudu, maintenant quand il revient, lui il choisit entre deux choses. ou bien il revient imam comme il était. Et celui qui était à sa place revient encore une fois derrière, ou bien l'imam vient derrière et laisse l'autre qui l'a remplacé, c'est lui qui termine la salat. C'est pour ça que dans la sunna, ceux qui connaissent le Coran et connaissent la sunna doivent être derrière l'imam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui doivent être derrière moi, ce sont les gens, yani, qui ont un cerveau, les gens cultivés, les gens qui ont la science. C'est pas un analphabète qui va être derrière l'imam, ensuite l'imam perd le mot d'eau, ensuite l'analphabète va guider, et je ne sais pas ce qu'il va faire de cette prière. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui connaît la sunna, qui connaît le Coran, qui doit être derrière l'imam. Comme ça, si quelqu'un se trompe, c'est lui qui doit guider. C'est celui qui connaît plus le Coran et la sunna qui guide. والله عز وجل أعلم. عبد الدليل تفضل. Est-ce qu'il y a une question pour les sœurs? نعم. عبد الدليل عبد الدليل عبد الدليل. نعم. عليكم السلام. Un frère demande, est-ce que le travail en noir est permis en islam? C'est un travail 3-4 jours par mois seulement. عبد الدليل. كيفاش عبد عبد العادل ممكن. Je ne sais pas, Abdelhadid, je sais que quand tu fais un pacte avec quelqu'un, même un kafir, Abdelhadid, non, Abdelhadid, quand tu fais un pacte avec quelqu'un, même si c'est un kafir, tu dois respecter le pacte. C'est comme ça que dit l'islam. Si tu as fait un pacte avec, je ne sais pas, qui avec l'État, ou là, avec une charika, ou là, avec une société, ou là, qu'il te paye par exemple, et que tu ne dois pas travailler, ça veut dire que tu ne dois pas travailler. C'est pour ça que Saad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu avait pris avant de faire le repentir, avant de devenir musulman. Il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je suis venu pour entrer en islam et je te rapporte l'argent que j'ai pris autrefois au kuffar. Il a dit, j'accepte l'islam, j'accepte pas l'argent. L'argent, rends-le au kuffar, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Même un kafir, on n'a pas le droit ni de lui prendre son argent, ni de lui voler, ni de transgresser son pacte. Si tu fais un pacte avec lui que tu travailles pas, ça veut dire que tu travailles pas. Voilà à peu près ma réponse, Inch'Allah ta'ala. Une sœur a dit, un homme a divorcé sa femme pour la deuxième fois sous le coup de la colère. Cette femme est ménopausée. Quel est le temps de la... Qu'est-ce que ça veut dire ménopausée? Qu'est-ce que ça veut dire ménopausée? Ça veut dire très énervé ou la quoi? Quel est le temps de la Saïda? Est-ce que son divorce compte quand il veut la rendre, quand il a admis que c'est sous la colère, qu'il n'a pas pensé barclo? Qu'est-ce que ça veut dire ménopausée? Elle dit, ça veut dire elle est dans les problèmes, elle n'a plus de règles. Ah. De toute façon, Nam, non, de toute façon, Nam, je dirais à cette sœur, à cette femme, Inch'Allah ta'ala, tu as dit que c'est la deuxième fois qu'il divorce. Je crois que c'est écrit la deuxième fois. Pour la deuxième fois sous le coup de la colère. Non. Quand quelqu'un dit à une femme, tu es divorcé, et qu'il le dit sous la colère. La colère se divise en trois sortes. La grande colère, la petite colère et la moyenne colère. La grande colère, c'est lorsqu'il ne sait plus ce qu'il dit. La grande colère des ulama disent, il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus où il est. Il ne sait plus si cet homme c'est son père, ou c'est un policier, ou c'est qui. Il ne sait plus s'il est chez lui, ou là il est dans un café, ou là à la mosquée. Là, c'est-à-dire il a tout perdu, il a perdu le contrôle. Celui-là, quand il arrive à ce degré, il divorce, son divorce n'est pas valable. Ensuite, il y a la deuxième sorte, la colère qui est minime, très minime. Il sait très bien ce qu'il dit, il est énervé. Ensuite, il pense un peu, ensuite il lui dit, tu es divorcé. Celui-là, elle est divorcée. Ensuite, il y a la troisième qui est au milieu. En même temps, il est très énervé. En même temps, il est assez conscient. Mais il est très énervé. Celle-là, c'est ici que les ulamas ont divergé. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même dans ce cas ici, elle n'est pas divorcée. Elle a dit, dans le cas, il est très énervé. Mais... il est conscient, mais il est très énervé. Mais des fois, il dit des mots sans le vouloir. Il sort comme ça, il a dit, dans ce cas, elle n'est pas divorcée. De toute façon, je dirais à ma sœur ici, supposons qu'il n'était pas très en colère et que tu es divorcé. Supposons. Il peut te faire revenir. Tu as toujours la troisième chance. Elle reste toujours. Car chaque homme a avec une femme il divorce trois fois. Toi, tu dis que c'est la deuxième fois, c'est tout. Donc maintenant, même s'il te rend, s'il n'était pas très énervé, il te rend, et il reste la troisième, que, Inch'Allah ta'ala, il ne fera pas la troisième fois. Ce sera un dars pour lui, et ce sera un dars aussi pour toi, si tu es du genre qui l'a énervé, etc. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala, vous reviendrez à vous-même, et vous vivrez, Inch'Allah ta'ala, heureux. Maintenant, puisque tu n'as plus, puisque la femme n'a plus les règles, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit compter avec les mois. Elle doit attendre 3 mois. C'est-à-dire que si 3 mois, lorsqu'il a dit tu es divorcé, et il n'a pas rendu pendant 3 mois, lorsqu'il veut la rendre, il veut la rendre avec un nouvel acte. Et 2 témoins et son tuteur. Mais si pendant les 3 mois période vaduité d'une femme qui n'a pas de menstrue, si pendant ces 3 mois, il veut la rendre directement, sans acte, sans témoin, sans tuteur, parce qu'elle est toujours sa femme. Si les 3 mois ne sont pas terminés, tu es, Inch'Allah ta'ala, toujours sa femme, bi'idhnillahi, azza wa jal. Naam, al-amin, tafadhal. Naam, khalas, je vais arrêter, Inch'Allah ta'ala. Je demande à la sœur muslima qui m'aide dans les résumés de la Aqida. Inch'Allah ta'ala, elle est là avec nous. Je lui demande quand elle fait le résumé, si c'est possible qu'elle n'écrive pas en arabe la phrase sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est difficile après pour la faire entrer dans le blog et de la formater, etc. De préférence qu'elle écrive en français. Elle écrit par exemple bénédiction d'Allah sur lui, ou bien que la paix soit sur lui. Elle choisit quelque chose, yani, la meilleure, elle laisse la Coran en français. La même chose pour Rabbi Allah ta'ala anhu. Elle cherche quelque chose en français, elle la met en parenthèse, barakallahu fiha, c'est plus facile pour moi, Inch'Allah ta'ala. Akhil Amin, on attend ta question. Une sœur a dit, je profite. Ah bon, il a posé la question. Un frère qui n'était jamais dans le din, à un moment donné, Allah l'a guidé. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Il commence à prier à jeûner. À un moment donné, au mois de Ramadan, au milieu, il laisse tout tomber. Il ne jeûne pas, il ne fait rien. Après, Allah le guide de nouveau. Il reprend, Alhamdoulilah. Sa question, est-ce qu'il doit faire ces jours de Ramadan qu'il a mangé? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Allah, c'est difficile comme ça, quelqu'un yani, qui laisse tout tomber comme ça, yani, il se lève un jour, il laisse tout tomber. Muhim la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. Je dis, si quelqu'un a laissé seulement quelques jours, et il peut les refaire, il les refait, c'est mieux. Si quelqu'un a laissé seulement quelques jours, naam, 10, 12, 15, il peut les refaire, il les refait, c'est mieux. Il les refait, c'est mieux. D'ailleurs, Inch'Allah ta'ala, il n'est même pas obligé de les refaire suivi. Il n'est même pas obligé de les refaire comme ça à suivre. Il peut les refaire aujourd'hui un jour, dans une semaine un jour, etc. Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça, c'est mieux. Mais celui qui a laissé des années, etc., il n'était pas dans le din, celui-là, c'est pas la peine de les refaire. Naam. S'il les refait, c'est mieux. S'il les refait pas, afallahu amma salaf, et il fait un repentir, yani, nouveau, et il regrette ce qu'il a fait, et qu'il dise, je ne vais plus, yani, revenir à ces choses-là. Mais s'il les fait, c'est mieux. Je dis, s'il les fait, de toute façon, 15 ou 20 jours, c'est pas beaucoup. 15 ou 20 jours, yani, à chaque fois un jour, chaque semaine tu fais un jour, c'est pas beaucoup, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu, si tu le refais, c'est mieux, Inch'Allah, pour prouver que, yani, tu es sincère, Inch'Allah ta'ala, dans ta tawba. Tu es sincère, Inch'Allah ta'ala, dans ta tawba. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Islam, tafadhal, Islam forever, tafadhal. On fait descendre ceux qui étaient en haut. Wa alaykoum salam, que dans les enquêtes annuelles, un frère de sang ou bien les parents à leurs enfants qui ne vivent pas dans leur foyer. Pouvez-vous nous répondre en arabe, puis en français? Naam. فيما يخص بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف المرسلين، فيما يخص بصفة عامة هل نعطيها إلى الأولاد أو نعطيها إلى أخينا في يعني أخينا الشقيق في الدم، نعم، أو هل نعطيها إلى الأولاد بصفة عامة؟ أقول والله سبحانه وتعالى أعلم. ننظر هل هذا الذي نعطيه هو داخل في الأصناف الثمانية أم ليس بداخل، يعني هل هو مسكين، هل هو فقير، هل هو مدين عنده دين، هل هو من العاملين عليها، يعني هل هو داخل في ثمانية أصناف ولا موش داخل. إذا كان داخلا في هذه الأصناف، إذا كان داخلا يعطى، إذا كان لا ينفق عليه. نعطي الزكاة لأحد من هؤلاء إذا كنا لا ننفق عليه، مثلا أنا عندي ابني مثلا ما يسكنش معي، نعم ابني لا يسكن معي، عنده دين، اشترى سيارة وعنده ديون، هذا أنا مانيش أنفق عليه، أنا أعطيه لأنه عنده ديون. لماذا؟ عندي ابن مثلا ما يسكنش معي هو فقير، أعطيه، أبدأ بابني، ما روحش نعطي للناس الأجانب، أبدأ بابني. لماذا؟ لأني لا أنفق عليه. لكن لماذا لا تجوز صدقة زكاة للأولاد؟ لماذا تجوز؟ من باب أنه كان ينفق عليه بعدين يقول خلاص أنا أعطيه الزكاة ولا أنفق، لا، من هذا الباب حرام. لكن إذا كان لا ينفق عليه ما في أي مشكل إن شاء الله تعالى، نعم، شوف هل ينفق أم لا ينفق فقط. نعم. Il reste beaucoup de questions et le temps est terminé. Encore moi j'ai des questions à Fika Barakla. Encore j'ai des questions ici qu'on m'avait demandé. Il sera dit salam alaikum. Lorsque je fais un jeûne non obligatoire, je sais que je peux le rompre si je veux. Mais si je continue mes forces malgré mes nausées, aurais-je un plus grand ajr, inshallah? Je dis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un fait le siyam qui n'est pas obligatoire, il est libre de manger, il est libre de faire le siyam, il est libre de continuer, il est libre de rompre. Maintenant, si tu veux le continuer pour faire le djihad à ton âme, mon âme veut manger, c'est vraiment, je veux continuer pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est bien. Mais si tu veux le continuer, tu te forces, alors que tu es malade, tu as des nausées ou là tu as la tête qui tourne, etc. Ça, ce n'est pas bien. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un évanoui. Il a dit, quand quelqu'un va en voyage, il ne doit pas faire le jeûne parce que voilà dans quel état il est celui-là. C'est la même chose si on ne voyage pas, quand on a des nausées, on veut vomir, etc. Il vaut mieux manger, inshallah ta'ala. Mais si c'est seulement une question de faim, et on veut faire le djihad à notre nefs, celui-là, inshallah ta'ala, c'est, inshallah ta'ala, accepté. Une sœur a dit, est-ce qu'elle peut, pendant la muqabala, est-ce qu'elle peut annoncer aux frères si elle a des cicatrices à tel endroit sur le corps et des difficultés de santé, alors que les parents refusent que leur fille dise? Sinon, peut-elle le dire par intermédiaire à une sœur et le dire à la suite aux frères? Naam. Inch'Allah ta'ala, quand quelqu'un homme ou femme, il a des problèmes chroniques, quelqu'un est malade, une maladie par exemple chronique, il doit ne pas le cacher, sinon il rentre dans la tricherie. Les gens sont très malades et ils ne disent pas, ils se marient. Ensuite l'homme, il trouve la femme dans un état critique, très très malade. Ma soeur, pourquoi tu m'avais caché cela? Moi, si j'avais su, yani, je dis franchement, je ne me serais pas marié avec ce genre. Allah, yani, tu es malade, Allah, je fais quoi que là. Mais, Allah, Azza wa Jal, je sais qu'il va te guérir, ok. Mais moi, c'est pas, yani, j'aurais aimé ne pas marier avec ce genre. Donc, il n'est pas possible en islam de tromper quelqu'un. Quand on est malade, maladie chronique, on dit, voilà, cher frère, moi, la qadar Allah, j'ai le cancer, ou là, j'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, si tu m'acceptes, tu ne m'acceptes pas, Allah Azza wa Jal va m'ouvrir d'autres portes. Là, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le dernier. Moi, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me marie pas en bas avant que je me marie en haut. Je serai d'abord marié en haut, ensuite en bas. J'ai confiance qu'il va me marier si c'est écrit. Et si c'est pas écrit le mariage, Wallah, personne ne pourra me marier, même si je suis la plus belle du monde et la plus riche. Si ce n'est pas écrit, je ne vais pas me marier, je vais me marier au paradis. Donc, on doit dire quand c'est quelque chose de chronique. Quand c'est quelque chose de simple, quelqu'un qui a certains maux de tête qui viennent et qui partent, etc., ça c'est pas des choses graves. Mais les choses qui sont chroniques graves, on dit. Maintenant, pour les cicatrices aussi, et si on a des cicatrices, ça dépend de la cicatrice, de son ampleur, et ça dépend de son endroit. Si c'est une petite cicatrice dans le dos, ou là, une petite cicatrice le ventre, ça peut ne pas influencer beaucoup. Mais si elle est assez grande, assez visible, et dans un endroit où, par exemple, l'homme n'aimerait pas que ça soit, dans un endroit yani, qui va influencer sur la beauté de la femme et sur son corps, etc., il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui disent pourquoi vous m'avez pas dit que votre fille avait fait ceci et cela. Il y a des gens qui ont de grandes cicatrices de 20-30 cm et plus. Donc celle-là, si elle dit par l'intermédiaire d'une sœur, si elle dit Inch'Allah Ta'ala, c'est de la piété. Si elle dit, c'est de la piété. En principe, quand on dit, si c'est un vrai frère, la plupart du temps, il va accepter. Il va dire déjà, le fait qu'elle soit sincère, le fait qu'elle ne m'ait pas caché cela, ça veut dire que c'est déjà une vraie sœur. Parce que l'autre, elle va me cacher. L'autre, elle va me cacher, elle va faire des produits pour que ça ne se voit pas. Mais celle-là, non, alhamdoulilah, elle m'a envoyé, elle m'a montré. Allah Azza wa Jal ouvrira, Inch'Allah Ta'ala, ses portes. Redouane 2, ta fadwal. Redouane 2, ta fadwal. Mais comme j'ai dit, si ce ne sont pas des choses graves, ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala. Dormir sur le ventre est haram ou seulement makruh. Si on fait le mess sur les chaussettes, on prie sans chaussettes. Je vais prier barakallahu. Dormir sur le ventre est haram. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un dormir sur le ventre. Il a dit, هَذِهِ بَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ. Cette façon de dormir, Allah Azza wa Jal يُبْغِضُهَا, la déteste. Et Allah Azza wa Jal ne déteste pas quelque chose de makruh. Il déteste seulement le haram. Allah Azza wa Jal déteste et le haram, pas le makruh. Quand on fait le mess sur les chaussettes et on prie sans chaussettes, ensuite on enlève les chaussettes, la prière est valable si tes ablutions ne sont pas parties. Si les ablutions n'ont pas été annulées, le fait d'enlever les chaussettes n'annule pas les ablutions. Et celui qui dit si j'enlève mes chaussettes, mes ablutions sont annulées, c'est lui qui doit rapporter le délil. Parce que c'est lui qui a dit, ça annule. L'autre a dit, non, ça, je ne sais pas, ça n'annule pas. L'autre, il a dit, non, ça annule, ça annule. Donc, où tu as lu? Est-ce que c'est Allah qui a dit, ça annule, ou là, son prophète? Donc, c'est celui qui dit, ça annule, qui doit donner les délits. C'est pas celui qui dit, ça n'annule pas. Car celui qui a dit, qui va dire, ça annule, il ne va trouver deux délits que quoi? Il va dire, lui, il a essuyé sur les chaussettes, et les chaussettes, il les a enlevées. Donc, il y a une partie de l'essuiement qui se trouve sur les chaussettes. Voilà. Il a essuyé sur les chaussettes et les chaussettes ne sont plus sur lui. Elles sont là-bas par terre. Donc, il y a une partie du haut dos qui est là-bas par terre sur les chaussettes. Voilà son délit. On lui dira, Ali radiallahu ta'ala anhu, hadith sahih, il se trouve chez l'Albani, donc je crois que même Minna, que Ali radiallahu ta'ala anhu a essuyé sur ses chaussettes ou là, ses chaussures. Ensuite, il est rentré à la mosquée, il les a enlevées et il a fait la prière devant les gens. Premier dalil. Deuxième dalil, quand quelqu'un fait ses ablutions, ensuite il arrive aux cheveux, il passe la main sur ses cheveux et il revient. Ensuite, il va aux ses oreilles, ensuite ses pieds. Maintenant, s'il va chez le coiffeur, il va enlever ses cheveux. Il va se raser et aller complètement le crâne. Est-ce qu'on va dire que ses ablutions sont parties? Parce qu'une partie des ablutions se trouvait sur ses cheveux, et ses cheveux sont maintenant chez le coiffeur. Ses cheveux ne sont plus à la maison. Donc est-ce que ses ablutions sont parties? Il est obligé de dire non. On lui dira ici, c'est la même chose, Inch'Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ummu Abdillah peut-être, a dit, qu'est-ce que le voyage? Est-ce le chemin du lieu du départ au lieu d'arriver, ou est-ce lorsqu'on arrive au lieu d'arriver? Et quand devons-nous faire la prière du voyageur? De toute façon, je n'ai pas bien compris sa question. j'ai pas bien compris sa question, mais je dirais, qu'est-ce que le voyage, est-ce que le chemin, quand on fait, pour la prière du voyageur, on la commence quand on sort de la ville. Et on l'a fait jusqu'au moment où on arrive à la ville aussi. Quand on sort de notre ville, on commence à faire la prière du voyageur raccourci jusqu'au jour où on revient et on rentre dans notre ville. Quand on rentre à la ville, on ne peut plus faire la prière du voyageur. Elle a dit, excusez-moi, j'ai pas entendu la réponse par rapport au fait de dormir sur le ventre. Quand on dort sur le ventre, c'est haram. Il y a un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani où il est dit, Inna Allah yubridu hadith baja. Allah Azza wa Jalla déteste cette façon de dormir. Il a vu quelqu'un endormi sur son ventre. Il a dit, Allah Azza wa Jalla n'aime pas ceci. Il déteste cette chose-là. Ensuite, une sœur a dit, c'est quoi le sou'al ici? C'est vraiment que je vous... Quel est le jugement pour une personne qui a accepté les cinq piliers de l'islam et qui est mort sans avoir lu et écrit l'arabe? Non. Elle a fait, inshallah, les cinq piliers. Écrire ou la lire l'arabe, ce n'est pas obligatoire que dans le sens que on apprend l'arabe pour apprendre le dîn. On apprend l'arabe pour apprendre le dîn. Si c'est quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui n'avait pas le temps, et quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, ghafur rahim. Mais celui qui a déjà un niveau, etc., et il ne veut pas demander, il ne veut pas apprendre, c'est celui-là qui aura peur le jour du jugement dernier, parce que, demander le ilm, c'est une obligation. C'est comme tu es obligé de faire la prière, tu es obligé de jeûner, tu es obligé de faire la zakat, la même chose, tu es obligé de demander le ilm. Tu es obligé, ce n'est pas un étudiant. Moi, je demande le ilm, alhamdoulilah. Non, tu es obligé. Si tu ne demandes pas, tu as peur le jour du jugement dernier. Tu vas avoir peur pour ne pas avoir demandé le ilm. C'est quelque chose d'obligatoire. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Ensuite, le hadith, pouvez-vous me dire davantage sur le khuruj fi sabillah? Le khuruj fi sabillah, c'est une bid'a, mon frère. Le khuruj des tablighiyin, c'est une bid'a. Il n'y a pas de khuruj fi sabillah. Il y a, comme a dit Allah Azza wa Jalla, il y a, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par toi-même, tu commences à apprendre, car ceux-là, les tablighiyons qui sortent fi sabillah, je ne sais pas, on parle de si c'est vraiment fi sabillah, quand ils sortent, ils prêchent pas le tawhid, ils prêchent la salat. Il va te dire, viens faire la prière, c'est tout. Ils prêchent la salat. Certains vont dire, bien sûr, déjà le fait de prêcher la salat, c'est mieux, c'est bien, etc. Beaucoup de gens sont rentrés, ont commencé à cause d'eux, etc., etc. Mais on va dire une chose très simple. Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune chose de quelqu'un dans les adorations si elle n'est pas conditionnée par le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna sont venus pour te montrer comment tu dois aussi prêcher. Tu ne prêches pas comme tu veux, toi. Tu ne prêches pas, tu dis, je vais faire un groupe, je vais commencer à prêcher. Tu prêches comme a dit le prophète et comme il a montré. Car nous, on n'adore qu'Allah Azza wa Jalla et on ne l'adore qu'avec sa sharia, qu'avec son Coran et sa Sunna. On ne l'adore pas de nos têtes. Comme ça, je fais de ma tête ce que je veux, il dit, c'est une adoration. Impossible, elle n'est pas acceptée. Tu fais la chose pour Allah, et tu l'as fait d'après le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. C'est pas comme tu veux, toi. Tu n'es pas libre. Donc, tu peux être sincère et la chose n'est pas acceptée. Car tu as été sincère, c'est la première condition, et tu as laissé de côté la deuxième condition, ce qui est quoi? Suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète, il groupait comme ça des gens et il leur disait, allez faire la da'wah. Allez faire la da'wah 40 jours et revenez, allez au Pakistan, en Inde, 40 jours et revenez. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que Abu Bakr a fait cela? Est-ce que Omar, est-ce que Othman, est-ce que Ali ont fait cela? Quiconque dira, l'un de ces quatre, on fait cela, on va lui dire, tu es le plus grand menteur que le monde ait connu. Il n'y a jamais eu un grand menteur plus que toi. Et tu as menti sur les grands khalifats de l'islam. Attention. Fais le repentir. Et s'il va dire non, il est obligé de dire non. S'il va dire non, on lui dit alors pourquoi tu laisses les quatre grands khalifs et tu laisses la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu inventes des choses de ta tête. Le khuruj fi sabillah, ukhruj toi, sors fi sabillah, où est-ce que tu sors? Sors, va demander le ilm, va en Arabie Saoudite étudier, va en Inde où il y a certains grands ulama de hadith là-bas, va dans les grandes universités, voilà le vrai khuruj que Allah Azza wa Jalla aime. Voilà le vrai khuruj. C'est pas tu sors pour faire des bidas là-bas, faire des bidas et parler aux gens de la salat et je ne sais pas quoi. La salat, ensuite, il vient miskin, il vient de faire la prière, on le laisse comme ça. Il dit Allahu Akbar et c'est tout, Allahu Akbar. Celui-là qui m'a prêché la prière, je lui demande seulement quelque chose dans les ablutions, il ne peut pas répondre. Une petite chose, Kebliré, je lui demande une petite chose dans les ablutions, il ne sait pas. Donc lui-même, il n'est pas, lui-même il est dans les péchés. Lui-même il n'a pas demandé la science. Comment quelqu'un qui est dans les péchés, il veut m'apprendre moi le dîn. Éloigne-toi d'abord des péchés. Toi, va demander la science. Et la grande science c'est quoi? La plus importante, la grande condition, c'est la science de la aqida. Alors les tabliriens, ce sont les ennemis de la aqida. Ce sont les ennemis de la vraie aqida. Ce sont leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les tombes. Ils aiment tourner autour des tombes. Ils aiment le shirk. Et lisez leurs livres. Tabligh Nisabi, Adam Nisabi Tabligh. Lisez leurs livres. Et lisez ce qu'ils disent dans le hajj. Et lisez ce qu'ils disent dans les du'as, etc. Vous allez comprendre ce que ça veut dire le khuruj hada. Hmaili un tafaddal. Maintenant, j'ajoute 10 minutes et j'arrête parce qu'on a dépassé de 20 minutes. Naam, c'est ça. J'ajoute 10 minutes, on a à 30, inshallah ta'ala, on ferme le salon. Tafaddal, Hmaili. Avant qu'il pose la question, qu'en est-il des jouets des enfants? Peuvent-ils posséder des peluches ou jouets en forme d'animaux ou d'êtres humains? Les images sur les vêtements et autres. Muslima 91. Naam, pour les peluches, Hado, c'est interdit en islam. Pourquoi? Parce que ils sont assez grands et ils ressemblent vraiment à de vrais animaux et ils ont la forme qui a dépassé, ils ont exagéré dans leur forme. C'est pour ça que les ulama, quand ils ont dit les jouets pour les enfants, ils ont fait des conditions, ils ont dit des petites choses comme ça, des petites choses et qui, yani, quand tu regardes sa tête ou là, tu vois pas, yani, les choses bien dessinées comme maintenant. Maintenant, tu vas acheter une poupée, tu la poses à la maison, tu ne sais plus si c'est ta fille ou si c'est la vraie poupée. Là, la femme, ça, elle ne sait pas. Parce que la poupée parle, la poupée urine, la poupée chante, la poupée ne sait pas ce qu'elle fait, elle danse, et elle ne fait pas la prière, bien sûr. Elle danse, elle chante, elle rigole, elle urine, je ne sais pas. Là, la femme, elle se lève le matin, elle donne la poupée le lait, elle croit que c'est sa fille. Là, il n'y a pas de différence. Maintenant, tout ça, c'est interdit. Tu achètes des choses banales comme ça, des choses qui n'ont pas un vrai visage, etc. De petites choses. Tu n'achètes pas de grandes choses. Le nounours, c'est-à-dire qui fait 1m50. Tu rentres dans la maison, tu te trouves devant toi, la nuit tu as peur. Quand tu le vois la nuit, tu as peur que tu sors de la maison. Il fait 1m70, 1m80, le nounours, c'est-à-dire. Alors tout ça, c'est interdit. Celui-là, tu le prends dans la forêt, tous les animaux vont fuir. Ils vont croire que c'est un vrai ours. Le vrai ours, il va avoir peur de lui quand il le voit. Je sais pas combien qu'il fait, il pèse 50 kilos, là, je sais pas. Tout ça, c'est interdit. Hmem, il n'y a pas de question, hein, je t'attends, tu n'as pas posé. Hein. Il y a une sœur qui m'a posé une question sur la hijra. Est-ce qu'elle peut faire la hijra? Elle n'a pas, ses parents n'ont pas accepté, et elle peut la faire seulement avec sa sœur et le mari de sa sœur. Franchement, ma sœur, Allah, je ne peux pas répondre à une question pareille. Cette question, c'est du ressort des ulama. C'est difficile pour moi de prendre une responsabilité pareille, c'est très difficile, je peux pas. Inch'Allah ta'ala, si tu peux, tu contactes inch'Allah les ulama, ce sont eux qui vont te répondre. C'est quelque chose de très difficile à dire. Je ne peux pas prendre cette responsabilité, inch'Allah ta'ala. Et je m'excuse pour cela, parce que moi aussi, j'ai peur de l'enfer. Assalamu alaikum wa rahmatullah pour la leçon. Je voulais juste demander, comme c'est la première fois que je rentre à ce room, vous demander votre nom, si vous pouvez nous parler un peu sur ta vie. Ada, c'est la faute de Lies. Attends, je vais voir Lies s'il est là ou s'il n'est pas là. Lies, est-ce qu'il est là? Lies Abou Anes, tu es là? Non. Lies Abou Anes, est-ce qu'il est là? Voilà mon frère, tu cliques sur Ada, tu cliques sur l'Ahor, il n'est pas là. Mon frère, tu cliques sur Nastik Ibn Timia Jiran, tu cliques Inch'Allah Ta'ala, tu trouveras toute la réponse, Inch'Allah Ta'ala, Barakallahu Fik. Muslim Kola, tafadhal. Wa alaikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Muslim Kola, j'attends ta question. Hein. Je cherche ici, il y a beaucoup de questions qui m'ont posé ici. Concernant le mariage à l'époque du vivant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naam. Une femme pouvait-elle refuser un homme que ses parents lui désirent? Quand tu termines, tu mets ce numéro 1, barakallahu fik. Pouvait-elle refuser un homme que ses parents lui désirent? Concernant l'islam, quand la femme a-t-elle commencé à avoir le droit de refuser un choix de mari proposé par ses parents? De tout temps, réponse, de tout temps, la femme a le droit de refuser, de tout temps. Il y a des parents qui sont par exemple très sévères et la femme, elle abdique. Hein? Elle abdique, elle dit je ne peux rien faire, etc. Mais toute femme qui est mariée ainsi, elle a le droit d'être séparée à partir du moment où elle dépose plainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé entre un couple. Entre un couple, car on avait fait marier la femme sans son avis, elle était contre. Elle n'est pas allée lui dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté ce mariage. A arrêté ça, il l'a annulé. Pourquoi? Parce que il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de la faire marier avec un autre. Maintenant, des fois, il sait qu'il n'a pas le droit, il est injuste. Il la marie de force. En la frappant, ou la ceci, cela, ça c'est autre chose. Ça c'est autre. Mais, tant que dans son cœur, elle n'a pas accepté, le mariage n'est pas valable. Sauf si le mari ne sait pas. Le mari ne sait pas, il croit qu'elle a accepté. Parce qu'elle a peur de son père. À l'époque de la Jahiliya, je ne sais pas comment ça se passait. À l'époque de la Jahiliya, je ne sais pas comment ça se passait le mariage. Il y avait 8 sortes de mariages. C'était des mariages, Yani, je ne crois pas qu'il y avait l'akhar. Je ne crois pas qu'il y avait que la femme, yani. C'était des mariages qui ressemblaient beaucoup à la fornication. C'était des mariages qui ressemblaient à la fornication. Il y avait, je crois, 7 ou 8 sortes. Et je ne me rappelle pas très bien qu'en est-il de l'avis de la femme. Qu'en est-il de l'avis de la femme? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Iman. إيمان إحسان فيك بارك الله إيمان إحسان تفضل تفضل نعم pose la question إن شاء الله تعالى pendant qu'elle pose je préfère vous la poser sur votre mail ça vous dérange pas comme tu veux si c'est sur le hotmail sur le courrier tu veux maintenant comme tu veux إن شاء الله تعالى pendant que tu réfléchis je lis une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en train de pleurer. Quand Ali et Fatima ont vu le prophète alayhi wa sallam, il leur a dit ce qu'il avait vu concernant les femmes de sa communauté. Il y avait plusieurs femmes et plusieurs châtiments par exemple, dont une femme qui avait les cheveux attachés et le cerveau en train de bouillir. Est-ce que le hadith est sahih? Il n'a pas cité le rapporteur. Non, je ne me rappelle pas de ce hadith. Ce hadith, je ne le connais pas, Inch'Allah. Ce hadith, je ne le connais pas. Non, ce hadith, je ne le connais pas. Je connais le hadith de la femme qui avait un chat. Il l'a vu en enfer. Celui-là, je me rappelle, Inch'Allah Ta'ala. Non, ce hadith, je ne le connais pas. Abu Safiya, tafadhal. Wa alaikum salam, wa barakatuh, khair. Que pouvez-vous nous dire sur la parole de Ibn Sirin, rahimahullah, qui disserte sur cette région, regardez ce que vous prenez votre région. Il doit parler en privé avec le source, si possible. Inch'Allah, barakallahu fikum. Non. Comme a dit Ibn Sirin, cette religion, c'est pas comme maintenant, tu vois beaucoup de gens qui rentrent dans les salles et ils prennent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ils sont pas assez conscients. ils n'ont pas assez de haine pour savoir que le haine, on le prend que de celui qui a le haine. C'est pas quelqu'un qui parle d'islam que ça veut dire qu'il connaît l'islam. C'est pas quelqu'un qui a dit, Allah a dit ceci, le prophète a dit ceci, que ça veut dire qu'il connaît l'islam. Il peut être un grand takfiri. Il peut être un grand rawafid, des rawafid. Il peut être un grand chiite, il peut être. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un, pour prendre de quelqu'un l'islam, on doit demander à cette personne, ou bien on lui demande à elle, ou bien on demande aux gens. Voilà, que pensez-vous de cette personne? Qu'est-ce que vous connaissez d'elle? Est-ce qu'il a une tazkiya? Et comme a dit Cheikh bin Uthaymin alayhi rahmatullah, et beaucoup aussi d'autres ulama, ils ont dit la tazkiya de nos jours, ça je l'ai lu chez Cheikh bin Uthaymin alayhi rahmatullah, il a dit la tazkiya de nos jours, c'est pas seulement les ulama qui donnent la tazkiya. C'est pas, si le Fouzan ne te dit pas fais le dars, ça veut dire que tu ne vas plus faire. Fouzan, il se peut que tu ne le connaisses jamais et tu ne l'aies jamais rencontré. Il a dit, ce sont maintenant les facultés islamiques. Quand quelqu'un, par exemple, a étudié dans une faculté, par exemple, comme en Arabie Saoudite, il a étudié à Médine, il a étudié à Mecca, il a étudié dans des universités connues pour être sur le vrai chemin. Celui-là, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas la peine que quelqu'un lui donne la tazkiya, parce que lui-même, il a la tazkiya. Quand il sort, il termine sa licence, il a déjà la tazkiya. Il s'est écrit qu'il a réussi, qu'il a déjà yani, la thèse, etc. Ça, c'est une thèse qu'il y a de nos jours, comme a dit Cheikh bin Uthaymin, rahmatullah, pourvu qu'il sorte, comme j'ai dit, d'une université connue pour être dans le vrai chemin, et pourvu qu'il ne soit pas, lui, connu qu'il est dans un autre chemin. Il ne soit pas connu que ça soit un hizbiste, ou là, que ça soit un ikhwan muslimon, ou là, yani, il est connu que quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, qu'il est salafi. Wallahu ta'ala, alam. Amoun 26. Naam, on parlera en PV après, juste en parlant, juste 5 minutes, Inch'Allah. D'ailleurs, je vais arrêter avec Amoun 26, parce que c'est le temps, Inch'Allah ta'ala. La dernière question, Inch'Allah, tafadali, pour me dire, si vous avez aussi moins. Imam, quand est-ce que tu l'as envoyé? Quand est-ce que tu l'as envoyé? Maintenant. D'accord, j'ai ouvert la parole et j'attends. Je vais te répondre le temps que un monde pose sa question, Inch'Allah. Naam. Akhi, ma question sur la zakat. Est-ce que je peux donner la zakat à des gens qui sont dans un centre d'asile, réfugiés? Jazakallahu khair. La zakat, beaucoup de gens se trompent, quand ils croient que quoi? Ils croient que, par exemple, ils disent, celui-là, c'est un orphelin. Orphelin, donc je lui donne la zakat. Celui-là, c'est un malade. Malade, donc je lui donne la zakat. Et comme ça. Et nous, on dit non. La zakat se donne seulement à 8 sortes de personnes. 8 sortes de personnes. On ne peut pas donner la zakat à qui nous on veut. Imen Ihsan. Attends, Othmo. Ta lettre est arrivée, Inch'Allah. Je disais que, par exemple, Cheikh bin Uthaymin, on lui a dit, il y a quelqu'un qui est assis dans une chaise roulante, hein, il est paralysé. Est-ce que celui-là, il veut faire un commerce? On lui donne la zakat? Il a dit non, on lui donne pas la zakat. Pourquoi on lui donne? Parce qu'il est paralysé, tu lui donnes. Tu lui donnes pour manger, pour boire, pour acheter des vêtements s'il est pauvre. Mais c'est pas tu lui donnes, il va faire un commerce, celui-là. Non, tu lui donnes pas. Tu lui donnes pour acheter des médicaments, tu lui donnes parce qu'il est pauvre. La même chose. Quand on voit quelqu'un, il faut qu'il rentre dans les 8. Il faut qu'il soit pauvre, ou bien nécessiteux, ou bien endetté, ou bien quelqu'un qui travaille dans la zakat, ou bien fils abillah, ça veut dire, ou bien il va partir au djihad, ou bien il veut acheter des livres, etc. pour le ilm, et il n'en a pas. Ou bien il veut partir au hajj. Voilà ce qu'on donne. Ce sont yani, des catégories connues. Non, c'est pas nous on choisit. On donne à des gens, etc. C'est pour ça que, quand il a posé ici la question, je ne sais pas exactement yani, sa réponse. Je ne sais pas sa réponse, si cela, s'il rentre dans les 8, et s'il rentre, dans quelle sorte des 8 il rentre. S'ils sont pauvres, tu leur donnes. S'ils sont pauvres, tu leur donnes. S'ils sont nécessiteux, tu leur donnes. Mais pas à cause du Westmondhead, comment tu l'as appelé, centre d'asile. C'est pas à cause du centre d'asile. Tu lui donnes à cause qu'il n'a pas d'argent. Ou peut-être qu'il est endetté, tu lui donnes à cause des dettes, c'est pas à cause qu'il est dans le centre d'asile. Il peut être dans un centre d'asile et il a des millions et des milliards dans la banque. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala. Je m'arrête, Inch'Allah, ici aujourd'hui. J'ai déjà dépassé d'une demi-heure. Les autres, Inch'Allah Ta'ala, vous m'écrivez au courrier. Je vous répondrai. Où est-ce qu'il est celui qui devait me parler? Naam. Jazakallah khair, Qasi Salaf. Shukran, akhi. Qu'est-ce qui. Le R qui m'a dit je voulais te parler. Où est-ce qu'il est avec? Naam. Abu Safiya. Où est-ce que tu es pour que je t'invite? Abu Safiya. Où est-ce que tu es, Abu Safiya? La hawla wa la quwwata illa billahi. Naam, Abu Safiya. Les autres, Inch'Allah, on se rencontre. Je ne sais pas quand. Si c'est demain ou l'après-demain. Demain, c'est dimanche. Lundi. C'est quand est-ce le prochain cours, Inch'Allah? J'ai oublié. C'est quand est-ce le prochain cours, Inch'Allah? Dimanche, Inch'Allah. Naam, on se rencontre, Inch'Allah. Mercredi. Non, dimanche, Ndjabi, là. C'est dimanche, Inch'Allah, Ta'ala. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est samedi. Dimanche, on a cours. Naam, toi aussi, Hmamli, toi aussi, tu nous fais des doigts, parce qu'on ne sait pas lequel de nous a un doigt qui s'exauce. Chacun de nous, Inch'Allah, Ta'ala, fait un doigt à l'autre, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. C'est à 22h européennes. C'est à 22h européennes. Naam. Et tu rentres, Inch'Allah Ta'ala, dans le blog, tu lis l'akhar. C'est écrit le Wasmuada. C'est écrit l'emploi du temps. C'est écrit l'emploi du temps, Inch'Allah Ta'ala. Oum Abdullah, tu écris Adakta à l'emploi du temps. C'est où? Comment qu'on écrit Adakta à l'emploi du temps? Jiran, Adakta, emploi du temps. C'est écrit là-bas. Ou là, tu lui montres directement. Tu affiches seulement le site Adakta. C'est quoi? Naam, je te répondrai par email ou peut-être je te répondrai oralement. Peut-être oralement, peut-être par email. D'après le temps que j'ai, Inch'Allah Ta'ala. D'après le temps. Si c'est quelque chose de secret, je te réponds par écrit. Si c'est quelque chose qui n'est pas secret, pour que les autres aussi prennent le bénéfice. Naam, j'essaierai Inch'Allah par email. J'essaierai Inch'Allah Ta'ala par email. Quant au programme... Quant au programme, Iman Ihsan, quant au programme, c'est ici, c'est écrit. Ibn Taymiyyah Jiran, catégorie programme. Catégorie programme. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.